take off your clothes. Heat on my skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. J'adore ce truc-là. C'est un sculpteur qui réussit dans la musique. C'est vachement bien. En tout cas, il sera notre invité. Ils seront nos invités tout à l'heure. Ça va le public ? Demain, préparez-vous à une émission de malades, de psychopathes sur la Terre demain. Vous avez déjà un peu perdu, hein. Ouais, depuis une semaine. Là. Hey, on avait dit qu'aujourd'hui on lançait le toc toc toc. Oui, mais tu peux. Je peux lancer le bien toc sûr. Toc toc. Et comment les gens s'inscrivent? Parce que bientôt on va aller tourner le range ta chambre. Oui. Dans genre 10 jours, ouais. On va aller tourner le range ta chambre chez vous. Si on peut pas le faire avant, c'est de ma faute. J'ai trop de trucs. Voilà, c'est compliqué. je sais. Mais on va aller tourner le range ta chambre. Là, ça y est, on a les présélectionnés. Ah oui, on a les présélectionnés. On en a trois. Beaucoup de parents ont envoyé des trucs, donc on ira peut-être chez vous à la maison ranger votre chambre, mais vous le savez peut-être pas parce que c'est peut-être vos parents qui vous ont inscrit. C'est ça. Donc on ira faire ça et dans la foulée, vous allez vous lancer pour vous inscrire pour le toc toc toc. Je résume ce que c'est que le toc toc toc. Si vous n'avez pas vu les vidéos, allez voir sur notre chaîne YouTube avec Kev Adams, avec Kenji. Oui. Je viens chez vous. Alors des fois, on a des très bonnes surprises quand on pousse la porte. Des fois, je sais que j'ai lu des commentaires de gens qui disaient ouais, tu vas chez elle, elle est à moitié contente, ou ouais, elle en fait trop. Mais ça, on peut pas prévoir. On peut pas prévoir. Non, mais c'est surtout qu'il y en a qui sont très stressés et moins démonstratifs. Ah là, il y en a des fois, c'est les parents qui sont comme des fous. Mais on a vécu des moments géniaux à chaque fois. Ouais. Et en gros, on part de chez l'artiste, par exemple, en bagnole, on se fait la route tous les deux, et ensuite, on arrive chez quelqu'un. La prochaine personne que j'emmène chez vous. Et si vous êtes fan de sa team, vous allez pouvoir. Ils s'inscrivent sur quoi? Sur energie.fr. C'est en place, ça y est? Ouais, bien sûr, il y a le formulaire à remplir comme d'habitude. Dans quelques jours, ma voiture, je l'emmène avec moi. Et peut-être chez vous à la maison, je vous amène Tal. serez chez vous avec Tal dans quelques jours. Ouais. Donc préparez-vous, inscrivez-vous. Si vous êtes fan de Tal, si vous ne l'avez pas vu 1000 fois non plus. Hein, parce qu'on essaie de sélectionner ceux qui l'ont déjà vu 950 fois en concert, ouais, en sortie de machin et tout. Ah, parce qu'elle les connaît, ces fans. On va essayer d'en prendre chez qui, évidemment. Et puis, c'est, voilà, chez qui elle n'est jamais allée non plus. Ouais, elle est déjà venue 7-8 fois, elle connaît la route. Non, voilà, le but du jeu, c'est de vous faire plaisir. Et Tal, je vous l'amènerai pour le prochain Toc Toc Toc chez vous à la maison. Voici un nouveau truc. L'équipe va bien ? Ouais, ça va, et toi ? Bah, Julie va bien, Pietre aussi, Guéguette aussi. Oui. Ça va au standard, les deux ? Mika, Stouff ? Ça roule. 0,8, ça roule. On reste en amont entre eux. Arrête, non, t'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit de dire ça roule en 2016. Et réfléchis au mot de la fin dès maintenant, hein, parce que ça roule. Ouais, ça gère, je gère, fougère, tout ça, tu peux plus. C'est ça, plus dans le bus. Dans la série, maintenant, on va mettre des nouveaux trucs. On va démarrer l'émission en prenant de vos nouvelles. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on va démarrer. Ça s'appelle le comment c'était ta journée. Oui. En gros, il s'est passé un truc dans votre journée de génial ou de merde, ou vraiment il ne s'est absolument rien passé. Un calme plat. Vous envoyez ça à koé@energie.com. Vous allez sur notre Facebook. Vous nous le racontez. Et comme Valent, comme un petit Émilie. Ça va, Émilie? Ça va et vous? Oui, ma belle. 15 ans à Lens. Je connais bien Lens. Non, Lens. Lens dans l'Aisne? Non, Lens. Lens, ça se prononce Lens. Non. Bah chez moi, il y a un Lens, ça se dit Lens. C'est dans quel département? Non, mais 64. Ah, c'est pas Lens dans l'Aisne, alors c'est Lens voilà. Dans le 64. Oui. Alors je connais pas l'opposé. Du tout. Ah, ça s'écrit pareil, mais ça se dit pas pareil. Non. Ah bon? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? J'ai une représentation de théâtre aujourd'hui et j'ai eu la malchance d'avoir mon genou qui s'est tordu. Et j'ai la pire honte de ma vie, je suis tombée de la scène. Oh merde, oh, merde, ma pauvre. Oh, c'est pas bien. Tu t'es cassé la gueule de la scène, t'as eu mal. Est-ce que t'as quelqu'un t'a retenu ou t'as fait une shime? Non, j'ai fait shime. Ouais, parce que même shime, maintenant, elle fait attention. Elle dit, non, je vais faire gaffe. Dans le théâtre, shime. C'est rare que les artistes se jettent dans la foule aussi. Ouais, c'est assez rare. C'est assez rare. Je suis tombée de la scène, j'ai mon genou qui s'est tordu et personne n'a pu me retenir et je suis complètement tombée de la scène. Comment va le genou à part le fait que t'es honte, le genou, il va comment? J'ai une inflammation, il y a un décalage de la rotule. Ah bah oui, tu vas pas faire de sport tout de suite. Alors, à mon avis, tu fais pas de sport jusqu'à Noël, t'es tranquille. Oh là là, arrête, tu viens de mal le jouer. T'auras plus de sport. Oh non, oh, je suis trop dur. Bisous ma chérie, voici Maître Gims et Jules sur Énergie. On est mercredi et donc n'oubliez pas le toc toc toc, c'est Tal dans quelques jours. Que faire de tout ce qu'ils disent? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux. Pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, puis passe par ici. C'est plus Denis, mais Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimes à l'épuissance. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Mais ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir, à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du les gens. Hey. fille. Hey. À l'émission et c'est tant mieux. Tout à l'heure on aura on aura Richard Orlinski qui sera notre invité. Demain on aura Alan Walker qui sera là. Vous voyez qui c'est? J'adore. Alan Walker. Ouais. Toi tu kiffes Alan Walker. Demain. Ouais. C'est demain. Non, c'est pas demain, c'est quand? Non, c'est mardi prochain. Demain on a Kenji et Robbie Williams, ces gars. Bah, je l'ai invité à Alan Walker. Ça fait beaucoup après. Non. Donc c'est la semaine prochaine. Alan Walker, c'est un mec qui se balade toujours avec une capuche et le son visage. Son univers, il est un peu strange. Hein, Bah, il est un peu Assassin's Creed des temps modernes. On voit pas sa tête. Il est toujours un peu caché, machin et tout. Mais on en parlera mardi. Oui. Oh, je crois que c'est demain. Moi, j'aimerais bien ajouter encore un. Ah bah, ça suffit quand même, on est de beaux gosses. L'émission de demain, je sais pas comment on va faire. Ah, je sais même pas comment vous allez me tenir, moi. Je te jure, il va être là, attaché. Et tu sais quoi? Il va pas te regarder du tout. Ouais, je sais, il va pas m'agripper. C'est ça qui va être magique. C'est ça qui va être horrible. T'as regardé son clip? Ouais. Il y a que des filles. T'as vu les meufs? Enfin, que des mannequins, quoi. Ça va, je suis pas loin des meufs. C'est que des filles, si t'es loin. Elles sont toutes maquillées et tout. Bah, moi aussi, je vais me maquiller. Elles sont toutes belles. Ça fera pas des miracles. Grandes aussi. Maquillées, ça fait pas prendre 30 cm. Je vais mettre des pointes comme les nanas plus grandes. Ils font pas le contouring en hauteur. Non, ils ont pas fait encore. Ils ont pas fait les tearing. On va faire un bisou à Valentin. Ça va, Valentin? Ouais, bienvenue, mon gars. Tu nous envoyais un mail à koeatenergie.com. Salut, Koé. Je t'écris parce que j'ai un problème avec ma nouvelle meuf. Elle est fan de tout le monde et ça me gonfle. On dirait une gamine, donc je sais pas si je vais rester avec Valentin. Quel âge tu as, toi? 17 ans. Et ta copine? 18. Oh, 18 ans, c'est un peu l'âge. Généralement, aussi. C'est les mecs qui sont moins mûrs que les filles à cet âge-là. 18 ans, là, ça commence à faire mieux quand même. Elle est, elle est fan de qui? Elle est fan de M. Pokora, de King V, de Jennifer. Enfin, c'est. Il y en a tellement. C'est rencontre même plus, franchement. Qu'est-ce qu'il y a, Biette? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, mais j'avoue que les trop fans, ça peut faire peur. Bah ouais, psycho, des fois. T'es trop fan de, on va dire, de 11 à 15 ans. Après, à 18 ans, ouais. Attends, normalement, passe-moi le micro dans le public. J'ai envie de savoir de quoi vous êtes fan. Les filles, de quoi t'es fan, toi? Si, de si, McDo. De qui t'es fan? T'es toujours fan d'un truc? De Chiren. D'accord, c'est bien. Bah, c'est bien. À côté, t'es fan de qui? Les 5 secondes ASMR. 5 secondes ASMR. Ils vivent encore? Ils existent encore, donc. Je crois que ouais. D'accord, parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Ouais, ça fait un bout de temps que. À côté? De Madeon ou de Martin Garrix? Madeon. Ah oui. Putain, ouais, dis donc, wow. À côté. One Direction. Encore? Et eux aussi, ils sont encore dans le. Ouais, encore là. Niall, il a sorti son single il y a pas longtemps. Ouais, ouais. On n'a pas parlé des masses. Hein. Ouais. Il est vite sorti. Si, non. Elle défend. C'est non, trop mais c'est génial qu'elle soit fan. Mais je veux dire, ils sont plus ensemble. Bah, ils sont juste en break, hein. Ça veut pas dire qu'ils vont pas revenir. Ouais. Voilà. C'est ce que certains disent quand ils divorcent de leur femme, c'est un gros break. Ouais. Très gros break. À côté, mademoiselle, t'es fan de qui? Zara Larsson et de One Direction. C'est magnifique, on en a plein, ils sont tous différents de quelqu'un d'autre. À côté, pareil. Shawn Mendes! À côté. Eminem. Ouais, ah ouais. Bonhomme. À côté, Claude François. Ouais. À côté. Tokyo Hotel. Non, il en reste. Non, c'est pas possible. On a retrouvé la femme. Allez, des retours. Bundama. Chun. Tokyo Hotel. Ils n'existent plus, Qu'est-ce Tokyo Hotel. Qu'est-ce qu'ils viennent, Tokyo Hotel? Ils reviennent en tournée l'année prochaine. Ah, d'accord. Ah, c'est on les a reçus il n'y a pas très longtemps. Ils étaient venus nous voir ici. Il y a deux ans. À côté. Trio. Pareil. Et là, on est dans le vieux, là. Trio? Ah ouais? Demain, ils sont en concert, là. Ah ouais? Au cabaret sauvage. Bah, je te crois. Ça tombe toujours, d'accord. À côté. Black M. Bien. Il n'y en a pas un qui est. C'est bien. 21 Pilots. Putain, ah, mais vous allez. Il n'y en a pas un qui est fan du même. Chainsmokers. Ok. Ouais. Mike Williams. C'est énorme, génial. Martin Garrix. Deux points pour Garrix. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait caser rapidement Richard Orlinski et Eva Simons qui viennent tout à l'heure? Parce que s'ils sont en bagnole, au moins, qui se disent ouais, t'es fan de qui toi? DJ Snake. D'accord, à côté. En ce moment, j'aime bien Ritza et MRC. Oh là là, c'est génial. Ils aiment tous des trucs différents, c'est énorme. Dingue. Bob Sinclair. Ouais, bah, vas-y, va me chercher du monde, toi, va me chercher du monde. The Chainsmokers. Chainsmokers. Ah, deux aussi. Pour les Chainsmokers. Kev Adams et le Whoop. D'accord, ok. Kev Adams et le Whoop. D'accord, ah, vous êtes venus ensemble, donc. D'accord. M. Pokora. D'accord, ah. Deux points, c'était M-Pokora. L'année 62. Ouais, il revient. Il va venir bientôt. Tu seras là? Tu seras là, ma chérie, quand il va venir? Passe le micro, tu vas venir. Oui, viens bientôt. Et pourquoi t'as repris le micro alors que je discute avec? Hein? Il va venir, faut que tu sois là. Tu l'as déjà vu en vrai? Oui. Bon. Il est beau, hein? Pas mal. Bah, tu viendras pas alors, tu l'as déjà vu. Valentin, alors, donc toi, les fans, redis-moi de qui? M. Pokora, Jennifer et Jennifer. Ça, c'est les trois principales. Mais après, franchement, il y en a d'autres. Enfin, franchement, c'est. Mais elle te parle que de ça, mais du attends, coup. Je veux savoir les autres. Ah les oui, autres. Mais non, mais elle regarde des vidéos tout le temps. Enfin, dès que je la vois, on va chez elle. C'est des vidéos, on regarde que ça. Enfin, c'est. Non, franchement, c'est lourd, vraiment. Enfin, c'est vraiment lourd. Et les vraiment. Autres, c'est qui alors? Coco veut savoir. Les autres stars? Ouais. Oui. Bah après je te dis elle en a vraiment plusieurs, enfin c'est pas, elle en a trois précis, mais dès qu'elle va en voir une française surtout elle est fan direct. Kenji est pas fan. Kenji non, elle est pas hyper fan. Oh. Mais elle est, par contre non, mais elle est quand même elle suit quand même l'actualité quoi, tu vois. Mais elle va me parler de Kenji, elle me parle vraiment H24 de M. Pokora Kinvé. Après c'est une passion comme une autre, hein. Il y en a qui ont des passions, toi c'est les petites bougies parfumées, il y en a d'autres c'est les artistes, hein. Ouais, non, mais attends, c'est pas une mauvaise passion d'être fan, hein. C'est pas ouais, pour... mais après ça ouais, prend vachement sur moi et tout. Mais c'est ouais. Comme partout, le mec qui fait un peu de tuning, c'est rigolo. Le mec qui vit que pour le tuning, pour sa meuf, c'est insupportable, quoi. D'où les épisodes de Confession Intime. Oui, on est dedans là. Hein. Confession Intime, Seigneur. Ça tombe un petit peu en rond là. Mais... Effectivement, elle a 18 ans, elle devrait être plus mature et elle devrait passer du temps avec toi et être plus avec toi, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que moi, là, franchement, ça me donne envie vraiment de la lâcher, quoi. Enfin, j'y réfléchis depuis plusieurs jours et tout là. Enfin, ça devient vraiment. Moi, je me souviens quoi. De la petite fan qui s'était fait mettre Koé sur son pied, oui. Ouais. Qui était tellement fan que son mec, elle le dégageait de la télé. C'est le gars, il pouvait regarder un truc, il disait non, il y a Koé à la radio, il y a Koé. Et le mec, il dégageait. Ça doit être une horreur. Et il allait dans la pièce d'à côté et elle regardait si on faisait une émission, elle le regardait. Oui. Si elle écoutait la radio, elle se mettait devant mais la radio. Comment tu peux vivre ça? Comment tu peux dire ok, je te laisse regarder, je te laisse faire, etc. Quand t'es amoureux, Julie, il était peut-être un peu faible. Quand c'est pour un match de foot, une fois par semaine, tu peux dire ok, mais tous les soirs, écouter la même personne et empêcher. Quoi mais oh, non, c'est mais les gens nous qui nous écoutent tous les soirs. Oui. Oh l'autre, comme elle fait mal la pub. Enfin, tous les soirs. Non, mais la même ce que je veux dire, imposer ça à une personne qui n'aime pas, c'est compliqué pour l'autre personne. C'est tout ce qui va avec, moi, c'est les concerts, c'est les machins, les séances de dédicaces. Les dérivés. Mais quand je fais des one man, je les vois, les gens qui viennent, qui accompagnent. C'est-à-dire que t'en as toujours, souvent quand ils sont en couple, t'en as un que tu vois, il est. Et puis t'as l'autre à côté qui est en mode. Ouais, j'aurais bien préféré être ailleurs, moi. Ouais, je suis là pour faire plaisir. Ouais, hein. Mais tu le vois toujours. Puis après, ils changent d'avis au fur et à mesure. Tu vois, ils se marrent. Mais au début, tu les vois, ceux qui viennent accompagner. Je te fais un gros bisou, Valentin. Bon courage, mec. Moi aussi, bisous. J'adore cette séquence. Ça nous a permis de prendre des nouvelles de Tokyo Hotel. Ouais. On s'inquiétait. Et bah, ils sont vivants. Ils vont revenir en tournée. Oh, ça va alors. Et là, vous kiffez pour les fans de Martin Garrix. Il viendra nous voir bientôt. Il devait nous voir là. Oui, mais il va venir bientôt. Ça a bougé. Mais il va revenir, Martin Garrix. Was only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Of love when this madness.

Parce que j'imagine qu'ils ont cette voix-là. Qui tu sais. C'est pas bien ce que vous avez fait, monsieur Coé, à faire des trucs comme ça. C'est pas bien, hein. Vous vous dites, c'est pas bien. Je pense qu'ils ont une voix comme ça. Tu crois? Ouais, je les imagine bien qu'ils voient comme ça. Ouais. Ah, il irait bien, ça. On crie, nous. Hein. On crie parce qu'on n'est pas content. Ça donne mal à la tête. Tribunal populaire, Guillaume, notre stagiaire. Guillaume, s'il te plaît. Appelez la. C'est le la seul barre. Quand il entend le tribunal populaire faire. Oui, j'arrive. Ah, bah, il est content, on parle de lui. Voilà. Guillaume, ah, il sait qu'on parle de lui. Hein, il sait qu'on parle de lui. Oh, il est content. Oh, il remue content. La mèche, il regarde. Est là, il là-bas, petit frétille. Alors, Guillaume. Moi, j'ai hâte de voir la vidéo, les gars. Faut qu'on la fasse trop vite. La vidéo de apprendre à danser avec. Oui, ça va le être tuto très bien. De. Ça va être bon. Guillaume. Ça va être bon, le tuto de Guillaume. Ouais. Apprends à danser avec Guillaume. Tu réfléchis, hein. Faut qu'on essaie de le faire avant ce week-end. Je vais faire décorer chez moi. Faut qu'on essaie de le faire. Ah non, mais là, faut la faire avant ce week-end. La tienne, la vraie. Avant ce week-end. On la fait demain matin, mec. Et on appelle ça toi aussi, danse comme Guillaume. Avec plaisir. Faire ta choré officielle. J'ai plein d'idées de mouvements. Après, je pense qu'ils sont pas tous réalisables. Mec, attends. Normal pas. Arrête de dire j'ai plein d'idées de mouvements. C'est le même mouvement que tu sais faire. Ouais. C'est faire que tu l'as. Mais non, il y a plein de trucs, mais je vous réserve des surprises. Bon. Je vous réserve des surprises, pas, les gars. C'est pas pour ça que t'es là. Guillaume, tu es accusé, alors que ta mission, entre autres, c'est de charger le public, tu es accusé de faire la mouette. Que veut dire faire la mouette? C'est-à-dire que le mec demande au public de faire Écoutez bien. C'est bien, Mastouk. La prochaine fois, tu feras attention à comment tu parles au patron. Sur Énergie. Il est là. Ah, il y a une compile. Ah, supportable. Ouais. Ah, écoutez-le le premier, comme on entend. On a les jingles dessus, mais c'est normal. Écoutez, mais... c'est bien, Mastouk. La prochaine fois, tu feras attention à comment tu parles au patron. Sur Énergie. Mais en fait, j'ai une excuse. Oh. Ouais. C'est bien, Mastouk. La prochaine fois, tu feras attention à comment tu parles au patron. Non, mais. Alors, j'ai une excuse, c'est que j'ai très mal à la gorge en ce moment. Bien sûr. Donc tu cries. Bon, allez, du coup, ma voix déraille. Bon, j'ai même pas envie. Rien à voir. J'ai même pas envie de dire aucun rapport. Si t'avais mal à la gorge, tu gueulerais pas comme un pigeon. Oui. Pour la peine, pour ce chef d'accusation, tu risques, puisque tu fais la mouette. Mouette. Qu'est-ce que ça mange une mouette? Des poissons. Oui. Enfin, des poissons morts. Oui. Ou des non vivants. Quand elles les pêchent, ils sont vivants. Ouais, hein, ouais. Ou des sushis des fois. J'en ai croisé. J'ai fait shop pour faire la queue. Ça c'est le haut de gamme. Hein. Elles sont là. Des crustacés, des moules. Des moules. Non. Non, je crois pas qu'une mouette mange beaucoup de moules. Faut aller les chercher dans le foin. Ah, c'est possible. C'est possible. Je sais pas. Quoi, c'est possible. T'as déjà vu une mouette manger des moules? T'as une amie mouette qui bouffe des moules. J'habite en Bretagne, je vous rappelle, et j'ai déjà vu des mouettes manger des moules. Avec des frites, ça t'a donné. Elles sont là. Non, mais tu sais, des fois, il y en a qui sont ouvertes. Voilà. Après ça bouffe tout ce qu'il y a à la mer. Bon, à part ça, des creux. Des crevettes. Des crevettes. Ah non, pas les crevettes, je suis allergique. Pour ce chef d'accusation, tu risques de manger de 1 à 5 crevettes entières. Alors, je suis allergique aux crevettes. La dernière fois que j'en ai mangé, il y a ma joue qui a gonflé. Mais non. Ah, mais ça va être marrant, justement. Ah, c'est drôle, ça. Non, mais les gars, s'il est allergique, on peut pas. Non, mais c'est sérieux. Après, c'est de la petite allergie, mais. Ça, t'aurais jamais dû le dire. T'aurais dû dire, c'est une allergie grave. Non, mais ça m'est déjà arrivé, en tout cas. D'accord, on va appeler Déborah, c'est elle qui va trancher. Mais attendez, les gars, c'est cool de manger des crevettes en fait. Mais entière. Oui, mais entière. Peut-être que ça annule l'allergie. Oui, je avec pense, la tête et les fils qui passent. Ah oui. C'est tout sauf cool. Hein. Ah oui. Ah. Des fois, il y a des œufs en plus et tout. Ah. Ouais, c'est possible. C'est surtout les yeux. Le truc noir là. Parce que les œufs. Ah, les yeux. Oh là là. Attends, on appelle une Déborah qui ne répond pas. Allô, oui, bonjour, vous appelez Déborah. Ça fait rêver, les gars là. Oui. Je m'appelle Coé, nous sommes sur Énergie. Est-ce que vous allez bien, Déborah? C'est une blague? Non, je blague jamais le mercredi. Il y a des autres jours, oui, mais alors le mercredi, je ne fais pas. Déborah, je vous présente Guillaume, notre stagiaire. Bonjour Déborah. Bonjour Guillaume. Notre stagiaire est accusé de systématiquement faire applaudir le public, mais en lui faisant faire... Bon, bref, c'est absolument lamentable. Ça va, insupportable. Pour cette peine, pour cette accusation grave, très grave, oui, il risque de manger de 1 à 5 crevettes entières. Avec la tête et la queue. Oh, merde. C'est vous qui allez choisir Déborah s'il en mange entre 1 et 5. 5. S'il vous plaît, Déborah. Défends-toi, hein. Défends-toi. Je suis allergique. Déjà, je tiens à dire que. Déborah. Les 5, c'est bien, les 5. Voilà. Merci, Déborah. Parce que il ne faut pas gâcher. Ça, c'est j'ai envie de dire. Ouais. Bon, tu les fais comment? Une par une? Parce que tu sais que le bout de la tête, attention, ça pique. Je crois que c'est ça, là, qui est pas bon. Ça va te chatouiller le palais. Arrête de trembler, mec. Sache une chose, tout est bon. Ouais, c'est pas du cochon, ça. Non, tu peux absolument. Tu peux tout manger. Ouais. C'est un peu désagréable, la tête. Mmh. C'est un peu le plus compliqué. Mmh. Mais ça se mange. Ce qui est à l'intérieur, la tête. Pointu, les gars. Bah, tu sais quoi? T'emmerdes pas, mange que les têtes. que les têtes. Mais c'est le pire, c'est... les têtes. Mais non, c'est au reste que t'es allergique, mec. Ouais, c'est vrai. La dernière fois que t'as été allergique, t'avais mangé la queue. Donc là, du coup, il a raison. Quand t'avais été allergique, qu'est-ce que t'avais mangé? Les crevettes sans tête. Ouais, t'avais mangé la tête. Donc ce que je te propose, c'est que t'enlèves le corps et que tu manges la tête. Non, mais attends, sérieusement, c'est quoi le médoc si t'es allergique derrière? Parce que faut prévoir. C'est du mitoni. Regarde, mange des ah, ça croustille! Mange dans le micro, voir qu'on entend. Non, tu sais que ça, on a fait les poubelles du bonhomme pour les avoir. Ah, ça pue. Continue, n'en fais pas des masses. Ne fais pas ton intéressant. Ne parle pas dans le micro, on voudrait le garder, s'il te plaît. Ah, la bonnette, elle est morte, les gars. Enlève la bonnette. Ah, putain. Enlève la bonnette. Voilà. Voilà, continue. Ah. Tu vois que tu t'y fais? C'est marrant cette antenne qui dépasse et qui ne rentre pas. Allez, encore une. Eh, il y a une tête là. Il reste une tête. Je suis sûr que pendant deux secondes, il a capté la TNT. Putain. Dégueulasse. C'est dégoûtant. Ah mon Dieu. Ah putain. Bon appétit si vous vous écoutez. C'est bon les crevettes. Maintenant tu prends ton temps, tu manges. Et assieds-toi la bouche, c'est dégueulasse. Je vais dire. Crache pas. La bouche, quelqu'un a pas un truc pour lui essuyer la bouche. Eh oui, les serviettes, les gars. Putain, tu gonfles. Ah, tu gonfles. Non, mais là, c'est dégueulasse. Oh, mais merde, mec, tu gonfles. Mais tu gonfles. Mais faut pas, sérieux. Mais tu n'es pas le même. C'est aval. Elephant Man. Et Steph, elle est pas bien, elle est de loin là-bas. Steph, dis rien parce qu'il nous reste la queue. Non, mais Steph, elle aime ça. Voilà, tu vois. Je peux pas goûter, Steph. T'es en train de le manger. Regardez-moi ça, il nous fait un record. T'as mangé? Non, je suis dans Colanta là. Les gars, il a... Merci. C'est bien, bravo. Merci Coco. Tu vas faire des caca crevettes. Ça y est, t'as des joues d'homme, c'est reparti. Ah, mais je suis fier de moi là, franchement, c'est un petit exploit. Contre, avec Dimon, t'es en train de gonfler. T'es en train de gonfler, mec. C'est chiant, t'as des joues qui gonflent. Non, je te jure, à gauche. Non, mais ça, c'est des grosses joues de nature. Ouais, de nature. Mais elle est encore plus grosse qu'avant de nous. C'est chiant de Mendes. C'est bizarre, mon mec. C'est bizarre, je te jure. Bravo en tout cas. Merci. Ouais. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves. You better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you sur Énergie. Attention, attention, c'est le moment de d'épouser quelqu'un de l'équipe. Vous le savez, vous pouvez vous inscrire koe@energie.com. Mais qui va épouser qui? Quand t'écoutes Koe et son équipe, t'as l'impression d'être à une cousinade. T'es content d'être avec eux, tu te confies, tu te marres. Mais t'es bien content que ça se passe pas chez toi tellement c'est le bordel. Koe, 19h-22h sur Énergie. Ça se passe sur Énergie. Avec notre stagiaire, je tiens quand même à le dire qu'il n'est pas réellement, vous doutez bien qu'on n'a pas fait manger de la crevette à quelqu'un qui est allergique bien à la crevette. Hein. Mais oui. Il n'est pas allergique à la crevette, tout va bien. Hein, que t'es pas allergique. tout ça pour pas faire le défi, quoi. Je crois que vous êtes planifié. Ça va plus bien, encore rien du tout. Je ne sens plus rien. Là, ça va. Il est paralysé. Mais quand je bois, ça coule. Il l'est pas. Tout va bien. Non, tu l'es pas, mec. Non. Bon, on fait un bisou à Priscilla. Ça va, Priscilla? Salut. T'es en forme, ma chérie? Ouais, super. T'habilles où, Priscilla? T'es laquelle sur la photo, la brune ou la blonde? La blonde. La blonde, t'es toute jolie, dis donc. Merci. C'est vrai? Ouais, t'as pas mis un peu beaucoup de filtres sur cette photo? Non, j'en ai bien, y'en a pas du tout. Il y en a pas du tout, dis donc, tu m'as l'air un peu bien filtré comme tu dis. Ah, un peu lisse. Je te sens un peu filtré au niveau du visage. Elle a plus une ride, rien. Attends, elle a pas une ride, elle a que deux trous de nez, deux yeux, une bouche. C'est une coupée de tir. Non, si, t'as mis un petit filtre, tu t'en es pas rendu compte, mais t'as mis un petit filtre. Eh ben non. Ah bah alors t'es filtré naturellement. Alors, c'est chelou, peut-être la lumière naturelle. Voilà, peut-être qu'en ligne on a Priscilla Snapchat, on le savait pas. Ouais, c'est vrai. C'est son nom de famille et c'est son père l'inventeur de Snapchat, c'est tout. Bon, tu vas piéger qui pour le qui veut épouser un membre de l'équipe? Je vais piéger ma sœur Sandra. D'accord. T'es un fiancé toi dans la vie? T'es comment? Non. Oh, tu es seul. Avec mon fils. D'accord. Oui, bah c'est pas grave. Ouais. Mais tu es seul sentimentalement. C'est l'âme de sa vie. Donc tu vas lui dire que tu sors avec qui? Avec Psycho. Ah, Psycho. Ah, très bon choix. Très bon choix. Voici. Psycho. Alors, s'il y en a bien un qu'il ne faut pas choisir dans cette équipe, c'est Psycho. L'homme le plus classe du monde. Alors, je voudrais te rappeler 2-3 consignes, oui. Psycho. Oui. Du coup, j'ai une question, moi. On peut biper peut-être, les gars. À cause du CSA, je peux rien dire. Allez, direct. Je biperai. On s'y bipera. Vas-y. Mettez-moi les bips, les amis. Je les biperai en live. Je fais des trucs. Fais-nous des signes quand tu vas dire quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que même quand tu parles normalement, toi, d'entre nous, on est obligé de te biper. Donc, klaxon. Voilà. Il y avait toute une série de klaxons. Il y a toute une série. Voilà. Klaxon. Klaxon. C'est comme ça que t'écris klaxon. Entrée. Voilà. Non, mais il y en a d'autres. Il y a plein de. Ah, celui-là est dur. C'est pas ceux-là. Attends. Celui-là est bien. Ouais, il y en a d'autres. Il est bien, celui-là. Ouais, prends celui-là. Si à un moment donné, je sens que t'es trop hard. Ok, d'accord. Je vais essayer de me retenir. Et si vraiment c'est très très hard. Ok. Il est insupportable ce son. Ouais, c'est vrai. Bon, alors tu vas dire que tu l'as rencontré où? Bah, en prison. C'est bon. Au salon du psycho, j'ai pas fait que ça dans ma vie. Tu vas dire que tu l'as rencontré où, ma chérie? Sur internet. Ouais. Ah, sur un site de rencontre, pourquoi pas? Un truc comme ça, non? D'accord. Et tu dis qu'il bosse avec nous et que machin, et que quand tu vas la voir et au téléphone et qu'il aura ta sœur, ça va être un gros confini, d'accord, mon psycho? Hein? Ok. Naturel, gros confini. Ouais, mais pas de gros mots, sinon. Pas de gros mots. Ok. Bon, elle a l'habitude, de toute façon, avec moi. Tu peux dire quelques gros mots. On peut. Mais pas. Je vais t'assommer avec ma. Ok. D'accord. Pas de viens là que je te. Non. Non plus. On y va. C'est parti. T'appelles ta sœur. Ok. Viens là que je te. Allez, c'est parti. Oui, allô? Ouais, Sandra? Ouais. Ouais, en fait, je t'appelle parce que je devais te dire un truc. D'accord, pourquoi tu m'appelles en privé, toi? Ouais, mais j'ai un problème avec mon téléphone, en fait, donc du coup, j'ai pris le téléphone de mon copain. T'as un copain? Ben, en fait, justement, c'est pour ça que je t'appelle. Ouais, fallait que je te le dise. En fait, tu t'appelles Psycho. Là, je suis avec lui, là, en fait, je suis sur Paris. Je suis partie. Hein? Psycho? C'est son prénom. Commence pas à te foutre de sa gueule, tu le connais même pas. Non, faut dire que c'est pas commun. Non, bah, c'est sûr, mais en fait, mais c'est pas commun, mais t'inquiète, hein, c'est une grande star et tout. Il travaille sur une grande radio des premières de France. Bah c'est bien. Non, Ouais, franchement, il est trop bien, il est trop gentil, trop. Faut que je te le présente. Bah, si tu veux, ouais, mais. C'est pour ça que tu m'as rencontré. Ouais, je l'ai rencontré sur Internet. Ouais. Il y a mieux, ouais. Mais où? Bah, on peut pas savoir. Regarde, non, toi, sûr. Des mecs, tu les as pas rencontrés sur Internet et c'était pourri. Certes. Alors. Peut-être que je vais me le rappeler. Voilà. Et du coup, en fait, je crois que je vais partir avec lui. On va déménager là. Mais je vais attendre avec. Bah, ça fait 2 mois en fait. 2 mois et tu veux partir avec carrément déménager. Ouais, mais je veux vraiment être toute seule avec lui en fait. Je crois que je vais laisser le petit à son père. Je vais pas l'emmener. Hein. Tu te fous de ma gueule. Bah non. Tu vas laisser mon neveu à son père et père. Pourquoi? Ah ouais, pour mais un mec que t'as rencontré il y a 2 mois. Ben, il travaille avec Koé et tu vois, au niveau de... C'est pas possible d'avoir un enfant. C'est... Mais je m'en fous qu'il travaille avec Koé. Ça fait 2 mois. 2 mois. C'est rien, 2 mois. Ouais, je sais. Juste, tu laisses ton fils, quoi, normal. Tu laisses mon neveu tranquille, hop, à son père, allez, vas-y, c'est pas grave. Ouais, mais j'ai pas le choix. Ouais, mais toujours le choix dans la vie, hein. Surtout pour ses enfants, tu vois. Priscilla, tu viens? Priscilla, tu viens, dépêche-toi, j'ai pas le temps là. Dépêche-toi. Oh, ouais, j'arrive. Il me reste plus que 10 minutes. Non, il va attendre le psychocouac là. Priscilla, tu viens? J'arrive. Dépêche-toi, t'es au téléphone avec qui là? J'arrive, chérie, je suis avec ma soeur. Dépêche-toi, j'ai pas le temps là. Tu connais le monde des stars, hein, ils ont pas le temps. Ouais, passe-le-moi ton psycho-vigile. C'est qui le téléphone? C'est ma soeur. Ouais, mais vas-y, elle nous casse. Hein. Elle fait chier ta soeur. Ah ouais, je sais pas si moi. Tu lui dis qu'on n'a pas le temps, qu'après faut que tu. Hein, faut que tu me. J'ai pas le temps là, faut okay. que j'aille. Et après on va à Énergie, on va aller voir Koé et puis on va aller faire des photos avec les plus grandes stars. Ouais, ouais c'est okay. bien, mais pas seulement. Tu raccroches à ta vieille sœur de merde là, je sais plus comment elle s'appelle. Et, Sandra. Ouais, mais je m'en fous, c'est pas grave, Sandra, machin, je m'en tape. Donc tu lui dis que tu raccroches. Laisse-moi parler, bordel. Laisse-moi parler, j'ai pas le temps là. Ok. Allô, là. Allô, c'est qui? Ouais. C'est qui là? C'est qui? Mais moi je suis psycho, connard, moi je bosse. De quoi? C'est ta mère, connard. Ah non, tu m'insultes le connard et tu parles de ma mère. T'es qui toi pour parler de ma mère? Comment tu parles de ma mère? Mais t'es qui pour parler de ma mère? Je m'en bats les couilles de ta soeur. Tu parles de ma mère là. Ah, tu t'en bats les couilles de ma soeur? Pas de ma mère, tu l'as. Ah, mais je m'en bats les couilles, ma mère, tu la connais pas, tu sais pas qui c'est et tu m'insultes. Ouais, je t'ai insulté au téléphone. Mais je t'ai pas insulté, en dehors du téléphone. Je t'ai pas insulté au téléphone. Là, je t'insulte, là, t'es une grosse conne. Je t'insulte, je m'en fous, je t'insulte. Moi, je suis une star. Ah, t'es une star. Je bosse avec Koé, tu vois. Tu sais quoi? Ouais, mais parce que nous, on bosse dans l'ombre, tu vois, on bosse dans l'ombre pour les plus grands. Ouais, bah donc dans l'ombre. Donc tu resteras toujours dans l'ombre. Donc ferme ta gueule, redescends. Ah ouais, mais toi, ferme ta gueule. Moi, je vais te monter en l'air, tu vas voir. Attends, t'es qui là? Vas-y, tu sais quoi? Demain, on reçoit Kenji. Hein, ta soeur va venir avec moi. Elle va faire des photos avec Kenji. Toi, tu vas être où? Tu vas être chez toi comme une vieille merde. Tu vas voir qui? Tu vas voir ton ça mec va, là? Tu vas voir ton vieux ça gosse? Va, ça va aller quand même. Non, je vais voir mon fils, ouais. Ouais. Excuse-moi, Sandra, excuse-moi. Ouais, ça va aller parce que on avait dit un peu. Mais pas en l'air. T'as le passé qui ressurgit. Les gars, on peut l'arrêter. Elle a dit parler de ta mère. T'es parti vraiment en fond. C'est une blague. Mais c'est qui là maintenant? Vous êtes combien? Sandra? Oh, dis donc, oh ouais. Sandra, je m'appelle Koé, c'est une blague, on est il sur est l'énergie. Bon, c'est je vais te monter en l'air. Je vais te monter ouais, en l'air. Mais on a le droit à l'expression je monter en l'air. Oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Ah, ouais, bah, vous savez l'expression péter, je ne savais pas. Qu'on... Ouais. Mais monter en l'air. Monter en l'air, mais bien sûr que oui. D'accord. Et j'ai dit aucune grossièreté. Non. Sur la fin, tu t'es transformé, tu ne te rends plus compte. Heureusement qu'il y a eu quelques points de poète quand même. Mais bon, Priscilla, non, Sandra, t'as rien compris, mais moi je m'appelle Koé, ça c'est psycho, on est sur énergie, elle ne sort pas avec. D'accord. Tout va bien. Pourtant, Psycho, c'est un garçon qui bosse avec toi. Ouais, t'inquiète pas, je cherche pas. Voilà, mais tu sais quoi, c'est presque dommage parce que vous aviez commencé une belle relation. Ouais, c'est vrai. Il y avait un côté sympa qui démarrait, je trouvais. A bientôt, ma Sandra. Priscilla, je te fais un gros bisou, ma chérie. À bientôt. Psycho, comme tu as été bon. Ouais. Il est bon. Je m'excuse, je m'excuse. Pour t'en l'air, toi. Mec, il se rend même plus compte qu'il sature. C'est un mec, son métier, c'est le son. Ouais. Il se rend même plus compte que les aiguilles sont dans le rouge. Il y va de bon cœur. Allez, bienvenue, on est sur Énergie. Voici le DJ Snake. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream.

je rappelle que vous allez pouvoir gagner avec la Société Générale, vous dans le public, si vous voulez gagner une box de ouf, boxallinclusive.com. Vous allez dessus, c'est gratuit, vous laissez vos coordonnées, vous choisissez ce que vous voulez dans la box. La demoiselle hier, elle a gagné 9000 euros. Ouais, 8900 euros exactement. Ouais, bravo. Bon, la fois d'avant, c'était 14000 euros qu'elle avait choisi de cadeau. Non, mais on choisit ce qu'on veut, c'est jusqu'à 16000 euros. C'est un truc de ouf. Et vous pouvez choisir des MacBooks. La jeune fille hier, Maureen, elle a eu un an de garde-robe pour 3000 euros. Il y a des tours du monde, il y a des voyages. 3000 euros de fringues. 3000 euros de fringues. Ouais. Tu te mets bien. Il y a des cours à l'étranger, il y a plein de trucs. Franchement. 3000 euros de fringues, c'est quoi ? 3 jeans diesel. C'est vrai. C'est beaucoup, ça dépend où tu vas t'habiller. Des jeans diesel. Ouais, puis il ne faut pas les acheter en vente privée. C'est la mode, les gars. C'est diesel, tu plaisantes. Ouais. T'as vu, c'est passé, toi. C'est intemporel. C'est passé, diesel. Mais vous plaisantez, intemporel, c'est Levi's. Bon, Lévis, ah ouais. Le Lévis, ça fait un bout de temps. Le Lévis, c'est intemporel. Il revient tranquillou, mais il était parti dans les abîmes. Hein. Merci. Le Lévis, c'est intemporel. Le diesel, c'est passé. Il y a un moment donné. Le diesel, ça va avec G-Star et tout ça, les gars. Là. Je suis d'accord avec Julie. Julie, il y a un moment, il n'y avait plus de point de vente, hein, Lévis. Ça, t'avais du mal à trouver les magasins. Hein. Ah, peut-être. Oui, mais bon. C'est le jean indémodable, le Lévis. Ah, bon ouais, faudrait qu'on fasse une bataille Lévis contre diesel. Ouais, c'est Discord. On s'en fout, on n'a pas d'intérêt là-dedans. C'est des iguales. Non. Moi personnellement, je vais chez Zara, c'est très bien. Je ne prends plus la tête, moi aussi je vais chez Zara. C'est-à-dire que moins surtout, c'est insupportable de mettre 180 euros dans un jean. C'est horrible. Il y a un moment, je sais pas, moi je trouve que je l'ai fait. Les ventes privées, c'est pas mal pour les. Non, mais ça s'essaye un jean. Ça s'essaye parce que t'en as qui te font un gros cul, un petit cul. C'est bien de trouver un bon jean. Ils te moulent les jambes, c'est compliqué un bon jean. Excusez-nous. On fera un débat sur le jean demain, les gars. Un jour, on fera un débat, Lévis, indémodable. Diesel, c'est passé. Il va être content chez Diesel s'il nous écoute. Bonjour. Vous pouvez nous offrir des jeans si vous nous écoutez. Alors là, tu peux y aller. Adeline, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour. Bonjour, Chloé. Bonjour à tous. Bonjour, Adeline. Diesel ou Lévis? Je serais plutôt Lévis, moi. Mais lequel de modèle? Après, il y a 1000 modèles pour le coup. Mais... Ça fait longtemps que j'en ai pas essayé, moi. Vrai que j'en ai essayé. Tu mets quoi comme jean, toi? Toutes les marques, je m'en contrefous complètement. Boss, je mets un peu de tout. Ah, mais Boss, c'est encore au-dessus, beaucoup. Ouais. Bah oui, en même temps. Mais... je tutoie les étoiles. En même temps, alors... tu es le boss. Non, mais je mets ça et puis une marque... les trucs qui se vendent sur Abercrombie, les Zalando, ils en là. Abercrombie, j'en ai aussi, ouais, d'Abercrombie. Il y a une marque chez Zalando là, qui font des t-shirts. T-shirt qui valent 10 euros là. Oh Babou. Putain, mais non. Bah, ils font des jeans qui valent pas beaucoup plus et ils sont super bien. Ouais. Mais il y a plein de façons. Parce que franchement, un jean, une fois qu'il est mort, t'as moins de regrets à le jeter quand il est mort. Un jean, c'est jamais mort. Plus il est pourri, plus tu le mets. Notre stagiaire, qu'est-ce qu'il met comme. Il est stagiaire, donc il met des stages. Par Superdry, moi. Superdry. Mais c'est bien. Ah, c'est bien Superdry. Pas donné non plus, hein. Ouais. C'est pas mal. De l'argent, toi. T'as de l'argent, hein. Vas-y, t'as de l'argent. Il est blindé. Bon, en attendant, Adeline, elle nous a envoyé un mail. Elle me dit salut, mon coco. Comment ça va toi et ta super équipe? Ça va la super équipe? Ouais. Je vous écris car j'ai besoin de vos super conseils. J'ai un nouveau mec avec qui je passe des nuits folles. Du coup, j'arrive plus à assumer le matin au taf. Il y a même des matins où j'y vais pas, mais à force, ça va plus le faire. Appelez-moi. Oh tu te vous, fais. Vous faites comme des castors. Ben ouais. Elle a pas compris. Va falloir lui expliquer le bruit. Maintenant, on a plus le droit de dire qu'on se fait. On n'a plus le droit. Bouge pas, on en revient dans un instant. Tu nous expliqueras un peu tout ça, voir ce qui te fait la nuit. A tout de suite. Bah, de là, toute la nuit. Toute la nuit. Ça me fatigue, rien que de le dire. Mon Black M, s'il te plaît. Toute la nuit. Rien que de le dire, ça me fatigue. Mais moi, je vais vous dire un truc. Hein. Au-delà d'une heure et demie. Au-delà de 20 minutes. Au-delà de 10 minutes 30, déjà. Bah non, si tu fais ça bien, tu mets un peu de temps. Mais pas une heure et demie. Mais si, Pierre. On en parle après, Black M, on en parle. Welcome, welcome, ladies and gentlemen. Le rap est démodé, on est loin de l'époque de M.O.B. Aski, le black est surcoté, sa fin est proche, il devrait se mettre sur le côté. Aski, si je ne vais pas voter, ils vont renvoyer ma communauté. Aski, je suis revenu pour tout rafler, dites aux jaloux qui pourront jamais me saboter. Oh, the roof is on fire, les gars sont tous dingues. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement higher. Aski, je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier. Mais comment c'est, je vous emmerde serai tout seul. J'ai commencé, je finirai tout seul. Ils font Zarma mais m'écoutent en douceur. Bienvenue dans mon monde, tu peux pas dire pousse. T'as pas un rond, les gens vont te dire pousse-toi. C'est pas marrant quand tu viens de la brousse. Demande à papa qui s'est fait éclabousser. À peine arrivé, on te dit allez ouste. Il y a de l'or mais je me demande où ça. T'es dans la merde si tu t'appelles Moussa. Ils veulent ma peau parce que j'ai dit le mot. Je suis comme Michael, je me demande who's bad. À la base j'ai pas demandé tout ça. Pas la bas le rap c'est nous on ne bouge pas. Ça tire mais ça ne me touche pas. Bla bla bla. Je mets le forum sur Bouska. The roof is on fire. Mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. The roof is on fire. Mes gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement ailleurs. Ailleurs, ailleurs, ailleurs. Parce que je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super-héros. Parce que je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Ils sont pour tout bab. Les yeux sur toi et tu te prends pour tout pack. Ils attendent d'être validés par Booba. Moi j'attends mon chèque. Mais ça faut le dire tout bas. Baisse la tête au cas où le coup part. Je suis comme Benzema, je suis pas du tout coupable. Non messieurs, je ne suis pas un loupard. Mais de vrai dis-leur que quand on dit on ne loupe pas. Fouille ma vie, regarde-la à la loupe. Tu verras la racine africaine à la falie poupa. J'sais que ça dérange les pures souches. Odeur m'a fait gros couscous. Sûr de moi, non j'en ai pas la frousse. Je suis comme Mesrine Vest, le commissaire Broussa. Depuis le début, ils sont tous à mes trousses. Section d'assaut Watibé, Harry, oui c'est mon Broussa. Soir sur Énergie, il y a Koé et toute son équipe. C'est de toute beauté. Ben non, j'ai dit que c'était Koé. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Toute l'équipe est sur Énergie. J'espère que tout va bien. Il y a Julie, il y a Pietre, il y a Guéguette, il y a vous tous. Suivez-nous sur Twitter. Allez faire un tour. Hashtag Koé saison 7. Tout à l'heure avec nous, on aura nos invités. On aura qui, Julie? Richard. Olenski. Et Eva Simon, ouais. Qui sera là. Demain, émission spéciale avec Kenji. On la fait en live sur YouTube. Oui, bien sûr. Demain, émission en live sur YouTube. Pour tous ceux qui ne peuvent pas venir, il y aura Kenji. Donc, je sais que vous avez été nombreux à vouloir passer des coups de fil. Et il y aura Robbie Williams. Vous imaginez si c'est la déception, en fait, en vrai? Non, non. C'est pas possible. On l'a déjà vu, tu sais très bien que c'est pas la déception. Ouais, on l'a vu il y a 10 ans. Et bah, nous aussi, il nous a vu il y a 10 ans. Ah, oui, ça. Ouais. Donc, lui va peut-être t'en voir. On va voir qui a plus, changé. Il est peut-être en train de se dire la même chose, Julie. Il est en train de se dire, j'ai vu Julie il y a 10 ans, est-ce que ça va pas être la déception? Il m'a pas vu, il m'a croisé dans un couloir. Non, puis, vous le voyez forcément au-dessus. Donc, ouais. Ah, ouais, personne. Et peut-être qu'il aime les petites, les gars. Je crois que pendant des années, personne n'a vu Julie. Ils voyaient tous que le dessus. Ils allaient, ah, elle est là. C'est vrai, il fallait baisser la tête. Bon, Adeline, ça va, Adeline? Oui, ça va. Adeline, je résume le problème. Génial avec son chéri, il lui fait l'amour toutes les nuits, mais visiblement, c'est un peu beaucoup et c'est un peu long. Résultat, elle n'arrive plus à se lever. Te blâme pas, il y en a qui n'arrivent pas à s'asseoir. Bien. J'ai le droit, ça? Ça, c'est fait. Ouais, ouais, c'est bon. On a encore le droit à ce genre de blague ou je ne sais pas? Je m'interroge. Bien. Mais quand tu dis qu'il te fait l'amour toute la nuit, c'est. C'est l'image ou pas? Julie, elle rêve quand elle dit ça, elle a un petit filet de bave pendant qu'elle est en train de. Non, pas du tout, ça ne m'excite pas du tout. La dernière fois que tu as fait l'amour toute la nuit, Julie, c'était quand? Attends, bouge pas, j'aurai une réponse. Okay, c'était la semaine dernière. Non, mais tu ne sais pas mentir. Mais si, c'est vrai. Mais tu sais pas mentir. Ton mec t'a fait l'amour toute la nuit? Ah non, pas toute la nuit. Ah, je croyais qu'elle allait dire ah non, c'est pas mon mec. Ah, j'avais compris mon mec. Ah bon, ça va. Non, non, pas toute la nuit. Ah non, la dernière fois j'ai fait l'amour. La semaine dernière. Oui, mais ça, on s'en fout, mais toute la nuit. Toute la nuit. Ah, toute la nuit, non, ça fait très longtemps. Bah, tu fais ça quand t'as 18 ans. Je vais vous dire un truc. Je ne l'ai jamais fait toute la nuit. Non, mais enfin, quand c'est une expression toute la nuit. Non, je pense qu'il y en a vraiment qui, des fois, commencent à minuit et jusqu'à 5h du matin, ils y sont encore. Ils font des pauses, des machins, mais ils continuent. Moi, je n'ai jamais fait ça toute la nuit. Moi. Toute la nuit, j'en ai pas le souvenir, non, j'en vois pas l'intérêt. Mais la sortie de soirée ou jusqu'au petit matin, oui. Mais moi, la sortie de soirée, il est 2h du matin, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire 2h, 7h du matin, quoi. Ça me saoule, la sortie de soirée, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Guéguette, t'as déjà fait toute la nuit? Bah, je crois pas, non. Tout le week-end, ouais. Toute la semaine, ouais. Non, je rigole. Mais non, mais c'est trop long, je peux faire toute la nuit. Toute la nuit. Oui. C'est vrai. C'était arrivé une fois il y a. Ah oui, elle nous l'a dit avec un ami à vous. Ouais, enfin un ami. Oui, enfin un ami. Non. Allez, c'est non, pas vous savez qui? Un ami qui me doit de l'argent. Ah d'accord. Mais... Il a. Elle... Ça date d'il y a très longtemps. J'ai même elle a fait ça 7 fois dans la nuit. Ah Bastou. Oh merde, la meuf elle s'en souvenait même plus. Ah oui, c'est Bastou, c'est lui, c'est vrai. Ouais, non, il avait l'air de rien, mais apparemment ouais, il l'avait. Dur, toute la nuit. 7 fois dans la nuit, elle nous a dit. Le matin, il m'a réveillé, pareil, bim dans la baignoire. Ça t'a saoulé, bim dans la baignoire, ou ça t'a plu? Non, j'étais fatiguée vraiment. Ah, bah, je comprends, moi j'en pourrais plus. Adeline, raconte-nous un petit peu toi, parce que maintenant on a beaucoup trop parlé de nous. Hein. Oui. Parle-nous de toi. Bah non, nous on boit un verre, on discute un peu, et puis on commence, ouais, genre vers 23h minuit, et puis ça dure 2-3 heures quoi. Mais c'est pas toute la nuit alors. Ouais, mais vous faites des pauses. Oui, oui, on fait une petite pause et on part, on fait une club et puis on reprend après. Mais du coup, le réveil à 7 heures, c'est quand même difficile. Mais, hein. Mais pourquoi quand il reprend, au moment où il reprend après la club, tu dis non, maintenant il faut dormir? Pourquoi tu lui dis pas ça? Bah parce que c'est bien, alors j'ai envie de continuer, mais c'est le matin, c'est dur. Toute la nuit, tu fais. T'imagines, mais t'en Non, mais c'est pas c'est réellement dur. Toute la nuit. C'est... À quelle heure ouais, vous vous couchez deux heures, en fait. Un peu plus de son. Quelle heure vous vous couchez? Bah, vers 3h, 4h, ça dépend. Ça dépend à quelle heure on a commencé. C'est insupportable. Vous faites ça combien de temps alors? Mais c'est tous les soirs en plus? Non, c'est pas tous les soirs. Après, c'est 3, 4 fois dans la semaine. Mais après, bah, les préliminaires et tout, bah. Ça fait que ça dure encore plus longtemps et. Oh là là là là, du coup, tu c'est, sais quoi c'est un peu... Tu m'as fatigué. C'est bon, mais je suis essoufflé là. Tu m'as fatigué parce que. Moi, j'avoue, comme elle en parle, c'est non, fatigant. Rien que le fait comment elle le dit quand elle dit c'est bon, mais c'est long, rien que ça, déjà, ça fait pas rêver. Mais tu prends du plaisir ou pas? Oh là là, tu kiffes ou c'est chiant? Oui, sur ce sujet-là, c'est bon, c'est nickel. Mais pourquoi tu lui dis pas, écoute, maintenant il faut dormir? Allez, on arrête. Dodo. Bah, parce que. C'est. Enfin. J'ai l'impression qu'il m'a juste donné l'eau à la bouche et du coup, faut manger après. Voilà. Ah, quand tu t'as fait l'amour une fois, quand tu t'as fait l'amour une fois, ça t'ouvre l'appétit? Bah non, mais ça dépend comment s'y est pris. Oh, moi, je suis arrivé à manger ailleurs. Hein, moi, quand c'est fait, c'est fait. Hein. Ah, toi, je pourrais pas avec toi. Je Pourquoi Pourquoi tu pourrais pas avec moi? Parce que toi, t'es en mode j'ai fait une fois pendant une heure et puis après, ça y est, tu peux plus refaire derrière. On a fait l'essentiel, on s'est tout dit. Ouais, mais bon. Je veux dire, à un moment donné, on va avoir la même explication, avec oui, les mêmes mots, ça va ressembler à la même chose. Oui. Donc pourquoi refaire deux fois de choses? Et peut-être en moins bien la deuxième fois. Mais tu peux fois, faire d'autres choses. Bon, c'est à peu près pareil. Quand t'apprends à connaître le corps d'une femme, mais c'est encore mieux. Ouais. Que si tu as une nouvelle à chaque fois, il faut que tu redécouvres à chaque fois. J'ai pas dit j'avais une nouvelle à chaque fois. Non, je parle pas de toi, je parle en juste général. Que quand c'est fait une fois, on peut attendre le lendemain avant de refaire. Il n'y a pas d'urgence. Ah oui, il n'y a pas d'urgence, on est d'accord. Ah, obligé de tout de suite, bang, on recommence. Ah non, non, mais si tu vois que ça se passe bien et que tu kiffes, pourquoi pas recommencer derrière? Ouais, mais demain. Non, quand t'as mangé une bonne mousse au chocolat et que t'as kiffé, si deux heures après, t'as encore envie. J'ai plus faim et j'ai même envie de dire la deuxième mousse au chocolat, elle m'écœure. Tu vois, et en amour, c'est peut-être un petit peu le coup de trop, le deuxième. Ah ouais, tu crois? Ah ouais, c'est-à-dire que ça dépend de l'horaire, ça dépend de plein de trucs. Ah, moi, je vous le dis sérieusement, c'est me faites pas passer. J'ai toujours été comme ça, c'est pas une question d'âge. Oui, c'est vrai. Moi, il y a un moment, je regarde ma montre, quand il est passé minuit machin, ça me saoule. Tu fais jamais l'amour en pleine nuit? Jamais. Genre à 2h30, 3h du matin, ça fait. De toute façon, en ce moment, je suis tout seul, donc c'est un peu compliqué. Mais. Mais quand tu te retrouves avec quelqu'un, genre à 2h30, 3h, ça peut pas arriver. Non, mais si t'es pas couché encore. Si t'es pas couché. Ah non, trop tard. Ah ouais. C'est vrai. C'est le milieu de minuit, et moi, quand je dors, je dors. Faut pas me. Non, mais attends, tu fais un dîner avec des potes, machin, et ça. Après, tu vas boire. Non, mais. Tu vas boire un verre, il y a une jeune fille qui est là, machin. Tu vas boire un verre et tout, ça traîne jusqu'à 2h du mat. Tu rentres à 2h du matin avec cette fille? Mais non. Non. Tu fais il rien. Il est déjà rentré. Non, mais je rentrerai pas à 2h du matin avec une fille. Parce trop que tard. T'es fatigué. Non, parce qu'il a bu qu'un verre. Il boit un verre, il se barre. Moi, je bois un verre, j'ai plus envie déjà. Voilà. Un verre, l'alcool, il me flingue la libido. Et si tu bois pas de verre? Eh ben, j'ai regardé ma montre. Genre, tu rentres à 2h du matin et non. Mais non, ça veut dire pourtant, que t'en, ça veut dire que t'en finis pas avant 4h. Bah oui, c'est ça. Oh bah non. Bah c'est ce que vit notre auditrice pour le coup. Non, moi je me lève tôt le matin et tout, non. Ah bah c'est ce que vit Adeline. Ah ouais, mais bon, après, si t'es chômeur, tu peux te lever à midi, tant mieux. Mais moi, même. Ah non, le problème, même, c'est là, c'est qu'elle moi, a. Moi, même le week-end, j'aime bien me lever tôt. Donc ça me saoule même le week-end. Mais c'est compliqué, toi. Tu fais l'amour entre quelle heure et quelle heure? Mon top, Ouais. Mon top sexualité, 12h15, 13h28. C'est-à-dire que pendant midi, avant d'avoir mangé, c'est excellent. Ah ouais? Ouais. Apéro, c'est son apéro à lui en fait. Franchement, c'est petit apéro, quoi. Je crois que c'est mon meilleur moment. C'est vrai? Vraiment? C'est dingue. Passer le déjeuner par exemple, la sieste, la fameuse sieste crapuleuse. Ah là là, si, c'est bah, moi pas du tout. Ah moi, ouais. Après le déjeuner, c'est pas du tout, du tout envie. Ah si, c'est bon pourtant la sieste crapuleuse. Ah ouais, mais non. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, ouais, non, je suis chiant, hein, je suis psychopathe. Mais hein, ouais, Adeline, voilà. Adeline. Le vit mal aussi. Adeline, faut que tu lui dises non. D'accord. Il travaille pas ce mec là? Bah si. Ah mais on va avoir un boulot tranquille. C'est-à-dire que lui, visiblement, il avait... Enfin, ça fait pas longtemps qu'il a quitté sa dernière copine. Moi, ça fait un moment, le dernier copain. Alors du coup, j'ai perdu l'habitude. Ah mais c'est ça aussi. Faut s'y remettre vite. Ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Je te fais un bisou, ma belle. Je t'embrasse fort et embrasse ton chéri. Non, l'embrasse pas, il va vouloir recommencer. Voici Sound of Legend sur Énergie. Énorme, et grâce à vous, Énergie sera encore la première émission de France et on sera là tous les soirs. Mais là, j'ai la petite annonce du siècle. Vous savez qu'on a des petites annonces de merde. Vous connaissez le principe, si on arrive à faire dire à la personne que c'est de la merde, on lui dit, eh ben là, on vous l'achète pas. Franchement, c'est moche. C'est un lustre, c'est un gros morceau de bois avec des lampes dedans. C'est très moche. Ah ouais, non, c'est dégueu. Et cet objet, pour les ceux qui s'y connaissent un peu en décoration, ça s'appelle un lustre joue de bœuf. Sauf que la personne s'est trompée en mettant la petite annonce, elle a mis joue de beauf. Non, joue de beauf. Ah bon, alors en même temps, c'est très très moche. C'est très laid. Vous savez pourquoi ça s'appelle mais comme c'est ça? C'est le truc qu'on met sur les bœufs, là, qui serait les charrues. Voilà, c'est ça. Ah, et c'est le coup, truc qui est en dessous. Ouais. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelle une joue de bœuf. Ah merde, je croyais que c'était un gros bout de. J'avais pas vu. Moi, ça, c'est ce qu'on met sous le coup des beaufs. Ouais. C'est une joue de beauf. Ouais, du coup. Et donc, ils s'en sont servis pour faire un lampadaire accroché par des chaînes au plafond. C'est ça, voilà. Magnifique. C'est moche. Mon Dieu, que c'est moche. T'as vu combien elle vend ça en plus? Elle vend ça 80 euros. C'est cher. Appelez-moi cette dame. Si jamais elle reconnaît que c'est de la merde, on sera heureux. Et on lui dira qu'on lui achète pas. Surtout, ouais. Attention, c'est parti. Les téléphones. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour l'annonce. Oui. C'est vous qui avez passé l'annonce, hein, je crois. C'est ma femme qui m'avait donné les coordonnées. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pareil. C'est pour le lustre. Oui, tout à fait. Ah, le joue de beauf. Donc voilà, donc je vous appelle. Vous l'avez toujours ? Oui, oui, bien sûr. Écoutez, c'est votre nom, mais je lui ai dit oui. Voilà, il y avait marqué contacter YouYou. C'est ça, c'est vous ? Non, c'est ma fille. Elle s'appelle YouYou. Voilà, tout à fait, c'est sûrement qu'elle s'est mise. Ah oui, mais je me doute bien que vous ne lui avez pas donné ce prénom-là, YouYou. Non, quand même pas. C'est voilà. Donc, non, c'est... mais comme elle travaille, des fois elle n'a pas le temps, elle me dit, maman, je te mets ton numéro, comme ça, t'as plus facile de répondre. Mais alors, qui vend ? Vous ou YouYou ? Non, c'est YouYou qui vend. Ah, c'est YouYou, d'accord. C'est parce que c'était dans sa maison ? Oui, oui, c'était dans sa maison, dans son appartement. Oui. D'accord. Ah, le vent ? Oui, bah parce qu'elle avait envie de changer, ça fait un moment qu'elle l'avait. C'est joli. Elle tournait la fille. C'est très joli pourtant, hein, c'est de bon style. Ah oui, bah c'est mon mari qui lui a fabriqué parce qu'au départ, Votre mari. C'était pas propre comme ça. Ah non, mais alors votre mari, vous le féliciterez pour moi, quel beau bricoleur. Oui, ah bah oui, c'était quand même son métier, menuisier. Ah, quel goût. Non, c'est très très beau. C'est vous qui fait la déco chez vous aussi ? Ah non, plus maintenant, hein. On est à la retraite alors, vous savez. Ah bah oui. Bon, donc j'ai vu le prix, 80 euros. Hein. Bon bah voilà, moi c'est pour offrir à mon cousin, hein, de toute façon. Oui. C'est très beau, c'est très très beau. Ah oui, puis je vous dis, il est dans son jus, hein. Il n'a pas d'abîmé, rien du tout. Elle l'a détruit pour en remettre un autre et tout. Ah oui, mais oh là là, attendez, je viens de me rendre compte d'un truc. Oh là là, j'avais pas fait-il. Mon cousin, il vit dans une caravane. Ah bah alors, ça peut pas aller. Hein. Ah bah non. Ah bah non, j'avais pas fait attention. Ça se met au plafond ? Eh ben oui. Ah bah alors oui, alors donc là, alors si c'est pour une caravane, alors là comme cadeau, c'est un peu de la merde. Bah oui. À moins qu'il veuille le mettre dedans. Hein, ah là, il peut pas, c'est du plastique. Non, on est d'accord, si c'est pour une caravane, c'est de la merde. Ah, c'est vous qui voyez là, hein. Mais oui, mais si c'est pour une caravane. Ben là c'est pas pour une caravane. Ah ouais, c'est bah voilà. Ah voilà, donc pour une maison, c'est très beau. Mais pour une caravane, c'est de la merde. Ça ne va pas. C'est de la merde. Ah ben, si vous le dites. Vous le dites pas, vous ? Non, moi je dis pas. Pour une caravane, vous trouvez pas que c'est de la merde ? Ah, pour une caravane, oui, ça va pas dans une caravane. Ah, donc pour une caravane, c'est de la merde. Non, c'est juste ça que je voulais dire. Donc oui. C'est pas pour mettre dans une caravane. Ah, bon. On y était. Là. Parce que on y était presque. Ouais. Et pour une caravane, c'est de la merde. Voilà, tout à fait. Ah, bah alors, si c'est de la merde, on vous l'achète pas. Au revoir, madame, gros bisous, je vous embrasse, elle est adorable, cette dame, avec le monsieur à côté qui commençait à dire ouais, bon, j'ai pas fait pour la caravane. C'était difficile parce que c'est lui qui l'a fabriqué, oui, donc. C'est fait avec le cœur. Ouais. Voici les trois mousquetaires. Moi, qui sont vous, qui sommes unis à vie pour le meilleur et le bonheur. Un autre ailleurs, quelle est ma vie? J'ai besoin d'amour comme tout le monde. J'ai besoin d'aimer pour survivre. J'ai besoin d'amour comme tout le monde. Comme tout le monde. Parce qu'on est rien. On est rien. On est rien. En place, ni mon histoire, ni les espoirs qu'on se partage. Moi, sans vous, quelqu'un parmi la foule, une vie sans plus, une vie de plus.

du super jeu, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est ça, oui. J'ai mon écran qui est tombé en panne. Ah bon? Ah, j'ai plus rien. J'ai un écran. Ah, j'ai un écran. HS. Noir. Il est HS, il est. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, attention, nous avons Guillaume qui arrive en danse. Fais le réparer. En petit pas de danse, t'as vu, il arrive, salut, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Il faut des protes. Ah, c'est parce que vous avez appuyé trop fort avec ma poule, tout pété. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de tester là. Mais teste pas, tu vois bien que tu sais pas comment ça marche. Mais tu vois bien que c'est pas ton job. Mais enfin, c'est. Repars en pas de temps, sans déconner. Repars en pas de danse. Et apprends une autre danse. Oui, je te. Non, mais c'est la sienne, laissez-lui, elle est bien. Ouais, mais je voudrais que ce petit pas de danse. Ou alors, on fait un truc, on y va à fond. Et on fait un truc, ça s'appelle la danse de l'assistant. Ouais, et on fait une vidéo où les gens de chez eux peuvent bien, danser la danse de l'assistant. Et en mode premier degré, genre avant le week-end, tu fais un petit cours, tu te filmes un tuto. Et tu fais salut, c'est Guillaume. Alors bon, vous voulez danser comme moi? Tu vois? Ah mais y a pas de soucis, je te prends en mot. Non. Ouais, faut faire gaffe. Ouais. C'est bizarre cette phrase. Ouais. Mais, bizarre. Va falloir qu'on borde le truc quand même. Ouais, ouais, mais si, tu vas donner ton petit cours de danse. Pas de soucis. Ça te fait kiffer ou pas? Elle est trop contente, regarde. Tu saurais comment l'expliquer et tout, hein? Ouais. Genre t'es prêt déjà, faut le déclencher à tout moment. Genre, déjà parle dans le micro. Hop, genre Kenji. Petit pas devant. Petit pas derrière. Petit pas devant. Ça fait léger comme tuto. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais si t'as une seule vidéo et que le mec c'est pour faire petit pas devant, petit pas derrière. Après, je compterai et tout, il n'y aura pas de soucis. Quoi ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Garde pour la vidéo. Ah, okay. Je t'en supplie, garde tout ce talent et toute cette énergie. Après, danse avec les stars, danse avec les stagiaires. Mais ouais, ça va être. Marina, bienvenue ma chérie. Comment ça va, Marina ? Ça va, merci et vous ? Je suis sûr que toi aussi, t'as envie d'apprendre ce petit pas de danse. Un petit pas devant. Ouais, oui. Un petit pas derrière. Un petit pas devant. Un petit pas derrière. Protéines. On essaie aussi. Bon, papa s'appelle Patrick, il a 54 ans. C'est ça. Alors, il paraît que ton père pète des câbles quand on lui demande de l'argent. Bon, ce qui peut arriver à beaucoup de gens. C'est ça. Absolument, ouais. Il paraît qu'il est très nerveux, il gueule tout le temps, il déteste la drogue. Ouais. Et voilà, en même temps, c'est assez rare les papas qui font l'air stressé, vas-y, fume un truc, ça va aller. Et toi, tu travailles. Oui, mais en plus, tu travailles dans la police nationale. C'est ça, absolument. Qu'est-ce que tu fais dans la police nationale? Ah, je travaille. Bon, je veux pas trop le dire à la radio, ça, mais. Dans un service spécialisé. Ouh. Mais pourquoi tu veux pas le dire? Bah parce que c'est un service spécialisé. Bah ouais, pas. Parce que voilà. On est transparent ici. Non, dans ça peut être quoi? Ça peut être l'abri, ça peut être Non, pas du tout, non, pas un truc comme ça. Les fournitures secrétariat. Non. Le truc le plus secret de la terre. Pas de stylo, pas de stylo. C'est tabou. Tu veux un 4 couleurs? Non, t'en as pas avec les chefs. Bon, si t'annonces que t'as fait une soirée chez toi avec des potes qui avaient de la drogue et que tes collègues flics ont débarqué parce que ça faisait trop de bruit et que t'as pris une amende et que t'as du mal pour ton taf et que ça risque d'être compliqué, ils devraient gueuler. Oui, c'est sûr même. Voici les 5 phrases à dire à papa. J'ai fait une soirée avec des potes à la maison, elle est partie en couille. Oui. Il y avait de la drogue, ils ont pas mal fumé. Les voisins ont appelé les flics, j'ai une amende de 400 € et je dois faire un test pour la drogue. Quatrième, je risque de me faire virer à cause de ça. Et la dernière, c'est toi qui vas payer mon amende parce que moi, de toute façon, je ne peux pas. Dans un instant, on appelle papa, d'accord? Il est un peu fort, le gong, non? Ouais. Hein, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un mec à côté de moi qui me l'explose. Ne bouge pas, Marina, c'est pas maintenant, c'est après. C'est après Mike Perry. Après Mike Perry sur Énergie. Tu vas voir cette petite musique d'amour pour toi de la police nationale. D'accord? Le service spécialisé. Le service spécialisé des fournitures. Je peux pas dire ce que c'est. Ne bouge pas, ma chérie, ne bouge pas. N'oubliez pas, demain, on se fait une émission de ouf, hein. Avec Kenji, Robbie Williams, ça va être énorme. Voici Mike Perry, You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a On a fait hier avec MHD, avec le couple qui s'est demandé en mariage. Ah ouais, hier. C'était trop mignon. C'était trop mignon. C'était bien hier, ils étaient là, elle pleurait, elle avait sa larme à l'œil et tout, c'était mignon. Et aujourd'hui, apparemment, ils sont séparés. Non, non, ne tue pas la magie. Allez faire un tour sur notre. On vous la refait tourner sur notre Facebook et sur notre chaîne YouTube, vous allez kiffer cette petite vidéo. Le mec, il avait bien préparé son truc. Il avait géré que dalle. Ouais, il avait envie. Voilà. Il s'est mis un genou à terre, ouais. C'était mignon. Mauvais Marina regard. De la police nationale, service rapprovisionnement des pastilles à café. Comment ça va? Ça va bien? De quoi? Donne-moi les 5 phrases, je te demande si ça allait. Vas-y, donne-moi les 5 phrases. Alors, j'ai fait une soirée avec des potes à la maison qui est partie en couille. Très bien, deuxième. J'avais de la drogue et ils ont pas mal fumé. Ouais. Les voisins ont appelé le flic, j'ai eu une amende de 400 euros. Et je dois faire un test pour la drogue. Et je dois faire un test pour la drogue. Ouais. Je risque de me faire virer à cause de ça. Ouais. C'est toi qui vas payer mon amende parce que moi je ne peux pas. D'accord, parce que moi je ne peux pas. Allez, on appelle Patrick. À fortiori. C'est le papa, je te préviens, faut que ça gueule. Il y a quoi à gagner, Julie? Il y a une PS4. Pour la sortie du film Captain America. Ouais. Pas Captain America. Non. Captain America Civil War. Avec le film. Allô? Oui, papa, c'est moi. Oui. Écoute, faut que je te dise un truc. Quoi? Et tu t'énerves pas, hein? Quoi encore, Marine? Tu sais, j'ai dit à maman hier, j'ai fait une soirée à la maison, tu vois, avec des potes. Oui, elle me l'a dit, ouais. Ouais, et ben en fait, c'est parti en couille, tu vois. Quoi encore? C'est parti en couille et tout, et le truc, c'est que, tu vois, il y avait de la drogue et tout à la maison, parce qu'ils en ont ramené, tu vois. En fait, c'est des potes qui ont invité des potes, tu vois, je les connaissais pas trop. Marine, fous de ma gueule. Tu parles de drogue, là. Oui, non, mais écoute-moi. Et en fait, tu vois, ils ont pas mal fumé, quoi. Mais Marine, attends, t'es flic et tu t'invites des mecs en train de fumer. Mais t'es malade. T'as un pet au compteur ou quoi? Tu te fous de ma gueule, Marine. T'as tout le temps quelque chose. Et ça veut dire quoi, ça? Mais c'est pas ça. Il y a pas que c'est pas ça, Marine. Tu te fous de ma gueule. T'es dans la police et tout le truc, tu fais respecter la loi, et tu, en plus tu vas faire des conneries comme ça. Mais vous êtes mal, quoi. Vous avez été fini à la piste ou quoi dans la police, là, ou quoi? Marine, ça craint. Oui, j'écoute. Mais le truc, tu vois, c'est que je suis dans la merde, en fait, tu vois, parce que, donc, tu vois, il y avait de la drogue et tout, ils ont pas mal fumé, et du coup, les voisins, ils ont appelé les flics, tu vois, ils ont appelé mes collègues et tout. Et du coup, j'ai eu une amende de 400 euros, tu vois. Et puis après, la suite, c'est quoi la suite? Le truc, c'est que je dois aller faire un test pour la drogue. Ouais, mais ça, t'en as pas fumé, toi? Tu vois, j'ai tiré un peu dessus, tu vois, mais j'étais en soirée, tu vois. Marine, je vais te péter une grande claque. Attends, tu te fous de ma gueule? Ta mère, elle sait, ça? Mais non, je t'appelle toi. Elle va pleurer, ta mère, elle va pleurer. Faut pas dire, dis pas maman. Non, mais Marine, à chaque fois, t'as un problème. Tu dis, faut pas dire à maman, je te couvre tes trucs bancaires et tout le bordel. Je le dis pas à maman. Et toi, tu fais des embrouilles de merde derrière, tu te fous de ma gueule. On t'a acheté une voiture en tout ça, et tu te fous de notre gueule. Ouais, mais le truc, c'est, tu vois, je risque de me faire virer à cause de ça, tu vois. Eh ben, tu fais virer, moi je vais te chercher, et je te jure, déjà, t'as une grande baffe. Je te jure, je te mets une grande tarte, c'est sûr. Non, mais. C'est sûr. Ouais, non, Marine, mais tu te rends compte, t'as trimé ta race pour aller jusque-là, et tout ça parce que t'as des connards qui fument le pétard, encore tu fumes un pétard une fois dans l'année, d'accord, mais là, faut arrêter, quoi. Attends, tu fais une teuf. C'est toi Papa, c'est sympa le pétard quand même. Ouais, c'est sympa le pétard, ouais. C'est sympa le pétard, ouais. Toi, moi, j'ai fumé un pétard, moi, et j'ai fait un grand coup de poing. C'est pas Marina, qu'est-ce que j'ai déjà dit? Qu'est-ce que j'ai déjà dit? T'as le droit de fumer le pétard que le 14 juillet. Non, mais papa. Voilà. Non, mais Marine, là, ta mère, elle va pleurer. Ta mère, elle va pleurer. Et, par contre, je te préviens, c'est toi qui vas payer mon amende, parce que moi, c'est là, je peux pas. De toute façon, j'ai tout le temps découvert comment tu payes ton amende. Bah ouais, mais faut que tu me fasses un virement. Oui, mais maman va dire, pourquoi t'as retiré 400 euros? Pourquoi t'as fait un virement 400 euros? Mais c'est pas grave, tu vois, tu lui dis pas et tout, tu vas à la banque. Mais c'est toi qui payes, c'est mort, moi je paye pas. Hein. C'est à toi de payer. Tu payes, de toute façon, mais t'as des sous là. De quoi? Mais Marine, je vais dire à maman que je m'en vais, que je vais faire un tour, je m'en vais une semaine, et je monte à Paris, Marine, je te mets une grande claque. Demande-tu non, mais, et non demande mais ta gueule, tu vas me faire quoi? Demande du blague. Qui parle là? Ça va. Marine, qui c'est qui parle là? J'entends quelqu'un parler dans le téléphone. On peut bien quand même enfiler un peu, non? Radin, celui-là. C'est mes potes. Ouais, tes potes, je vais leur mettre une grande claque à tes potes aussi là. Ouais, c'est quoi cette fréquentation de merde? Tu vas mettre des claques. C'est quoi? Je vais raccrocher. Que de la gueule. Et je vais monter à Paris. Que de la gueule, c'est bon. Qui dit ça là? C'est qui me dit que de la gueule? C'est mes potes. Marine, qui c'est qui me dit que de la gueule là? C'est mes potes. Que de la gueule. Tes potes, c'est des flics, ça, non? Mais non, c'est mes potes, tu vois, qui ont fumé. Marine. Essaye de l'inviter, ce pote-là qui me dit ça. Tu l'invites demain et je serai chez toi demain. Eh, pépère, t'as que de la gueule. Je te donne 800 euros, Marine. Je te donne 800 euros. Pépère, je te le dis direct, t'as que de la gueule. Combien il faut qu'on en rachète? Marine, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Là. Tu fais une soirée demain et je te jure j'y vais. J'y vais. Et l'autre là, l'autre, je sais pas qui là, qui me traite de tête de mort, je sais pas quoi. Ah, j'ai dit radin. Ta gueule, pépère. Ah, vas-y, radin. Détends-toi. Ta gueule, pépère. Ah, mais la moitié. Je te jure. Il a mis sa gueule chez toi. Eh les gars, c'est bon, mon père, il est d'accord pour payer la drogue. Dis-y qu'il ferme sa gueule quand même. On va pouvoir en racheter alors. Marine. C'est bon ça. Et Marine, je. Tu dis, passe-moi le. Non, je vais prendre le téléphone. Allô? Ouais, c'est qui t'es, toi, pour me parler comme ça? Qu'est-ce qu'il y a, pépère? Un problème? Il y a pépère. Déjà, toi, pépère, je vais te mettre une grande case dans ta gueule. Ah, tu vas te faire mal. T'as pas m'appeler pépère, d'accord? Mais tu vas te faire mal. Arrête, là. Je vais te faire mal, ouais. C'est mais t'auras pas la force, Ça, même ta mère, elle va pas te reconnaître. Mais ouais, de toute façon, elle m'a déjà reconnu. Donc, t'as pas de force. Écoute, moi, écoute-toi, là. Ouais. Je vais te donner les 400 euros à ma fille. Ouais. Et je te jure. Ouais. Allez, je te donne 100 euros pour aller t'amuser pour ton. Je vais t'exploser ta petite gueule, toi. Ouais, arrête, tu vas te faire mal. Arrête tes conneries. Je vais te faire mal pour toi. Déjà, mes parents me disaient toujours, t'as pas dans la merde, avec ta bouche. Mais là, j'ai même pas tes. Oh, tu m'énerves, là. Là, tu m'énerves. Arrête, je te jure. Bon. Écoute. Et t'as des couilles, toi. Ouais. T'as des couilles. Ouais. Essaye d'être chez ma fille demain. Ouais. Demain matin. Hey. Et ce jour, je te ferai un bouquet, moi, tu vas voir. Mais ouais. Hey, tu sais quoi? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Et toi, tu me connais pas. Tais-toi, écoute. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Il n'y a pas d'écoute. Écoute pas, toi. Écoute. Arrête de fumer ton truc, toi, parce que ça te monte à la cervelle. Mais je fume pas, moi, la drogue, c'est sale. La même pleureur cervelle, toi. La drogue, c'est moche. Je ne fume pas, moi. Oh là là, oh là là. Pauvre con. Non, toi, pauvre con. Écoute. S'il te plaît, est-ce que tu peux être chez ma fille demain? Ouais, vers quelle heure? Ah ben, allez, je te donne ton heure. Ah non, vas-y, non, dis-moi l'heure, ça me gênerait allez, de... Moi, à midi, je peux y être là-bas. Ouais, c'est possible, tout à fait, midi, c'est possible. Okay. Avec l'apéro? Ouais, tu payes l'apéro, t'as les cacahuètes? Mais tu n'auras même pas le temps de boire l'apéritif. Ah, tu voudras manger avec des glaçons. Mais t'as que de la gueule, arrête. Mais t'es gaulé comme un asticot, t'es tout petit, tu ressembles à rien. Écoute, tu vas te faire mal, le cœur ne tiendra pas. Attends, allez, arrête, tu m'énerves. Le cœur ne tiendra pas, arrête. Et en plus, je ne viendrai pas. Mais non, tu viendras pas, tu vas te faire dessus, t'as que de la gueule. Mais non, je n'ai pas envie de la passer, non. Passe-moi là. Non, je n'ai pas envie. Passe-moi là. Non, pas envie du tout. Les gens disent passe-la-moi. Passe-moi-là, c'est pas français. Comment tu t'appelles? Sébastien Coé. Sébastien Coé. Ouais. Puis de toute façon, j'ai rien à voir, je parle pas avec toi. Ah bah. Passe-moi ma fille. Pourquoi tu me demandes comment je m'appelle alors? Parce que pour savoir ton nom là. Ah bah, Sébastien Coé. Mais toi, tu travailles pas dans la police, toi? Non, je travaille à la radio sur Énergie. Sur Énergie, quoi? Bah, c'est parce que c'est une blague. Non. Si. Sans déconner. Ouais. Patrick, je suis désolé. Marine, tu crains. Patrick, je suis désolé. Ça y est, Patrick, il se voyait déjà en train de se battre. Demain, il est chaud là. Non, tu rigoles.

thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Notre buzzer, puisque nous allons passer le code avec deux auditeurs qui ont misé pour nous, puisque nous avons une demoiselle qui s'appelle, j'ai oublié complètement son prénom. Comment elle s'appelle? Gaëlle. Gaëlle. Eh oh, t'arrêtes de gueuler, René. Eh, t'arrêtes, ouais. Ça va, Gaëlle? Ça va, et vous? Ouais, toi, tu penses que c'est moi qui vais te faire gagner 1500 euros alors que Julie, c'est le garçon qui s'appelle Teddy. Moi, c'est Teddy, ouais. C'est ça, Teddy? Ouais. Ah oui, ça va. Il est pourri. Et Julie, je compte sur toi, hein, comme soprano, hein, on met le feu. Hein. Oh. Ouais, je vais essayer. Ah, dis-moi, d'où vient ce buzzer? Alors, tu veux vraiment savoir? On l'a volé. Dans un jeu. Mais c'est pourri, dans un jeu de société, non? Vous l'avez volé où? À Energy 12, durant la séance photo de rentrée en septembre. On s'est dit que le buzzer était pas mal. Et du coup, vous êtes méchants avec eux. Vous leur avez volé un truc? Bah, il est bien. On dirait le buzzer de Dr Maboul. Vous leur avez volé les audiences aussi, non? Vous avez volé les téléspectateurs, vous n'avez pas volé que ça. C'est buzzer, ouais. Alors attention, on t'écoute. Alors, premier arrivé en 5 bonnes réponses. Hein. Ouais. Et le premier qui appuie sur le buzzer pour répondre. Stressée. Première question. À choix multiple, non visuel. Ah non, putain, relou. À choix multiple peut-être. Hein. Vas-y. Dans les tunnels, les dispositifs à diode bleue servent à... Réponse A, éclairer le tunnel. Réponse B, délimiter les distances de sécurité. Réponse C, annoncer une issue de secours. Attends, il y a le deuxième. Réponse D, annoncer une niche de sécurité. Non, la distance. B. Distance B. B. Les deux B. Ouais. C'est moi qui l'ai dit en premier. Ouais. Oui, c'est lui qui l'a dit en premier. Oui, mais distance. C'est égalité. Ah bah non. C'est égalité. Sur le buzzer. C'est en premier. Eh oui. C'est le principe du buzzer. Oui, mais moi je laissais finir la question. Toi, tu ne t'as pas laissé. Ah, parce que je suis avec les autres. Ok. On y va. Deuxième question. Deuxième question. Contrôler avec un taux. Merci. T'as raison, Teddy. Soyez pas mauvais joueur. On continue. Merci bien. Contrôler avec un taux d'alcool de 0,7 g par litre de sang. Je risque. Réponse A, une amende. Réponse B, une peine de prison. Réponse C, un retrait de 4 points sur mon permis de conduire. Réponse D, un retrait de 6 points. Amende 6 points. Non, c'est 6. C'est 6. Bonne réponse pour Julie. C'est 6 points. Quoi, c'est plus d'alcool, c'est 6 points minimum. Attendez, on va s'arrêter. Allez, c'est quoi? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas 0,8? Non, peu importe. C'est 6 points. C'est 0,5 maintenant. Ah bon? Ouais. Et t'as taux d'alcool dans le sang et dans l'air. C'est deux E quand ils te font le truc. C'est la moitié. Et l'autre, c'est du milligramme. Et tu savais que si tu fais une soirée, tu bois 10 verres. Genre à 8h du matin, tu peux pas conduire parce que t'as encore de l'alcool dans le sang. Et que si tu souffles, tu perds 0,1 par heure, je crois. Ouais. T'imagines? C'est 0,1 par heure. Les bonbons à la menthe, ça favorise aussi. Non, il paraît que non. Ah bon? Bon, on continue. Un partout. Donc un partout. Ouais. Oh, ça m'énerve. Le plus grand responsable des accidents mortels est réponse femme, A, Julie. Le comportement du conducteur. Réponse B, l'alcool. Réponse C, la vitesse. Réponse D, la fatigue. L'alcool. Ah, vitesse. L'alcool. C'est quoi? Je relaisse une chance de réponse aux deux, parce que vous avez faute. Attends, redis. Fatigue. Ah mais je sais plus les réponses. Non, c'est ben... les extraterrestres. Je sais pas. Les arbres. Je dis les arbres. Et la fatigue. Tiens, alcool, que tant pis. Il en reste une. Mais vas-y, redis, je sais plus. Le plus grand responsable des accidents mortels est réponse A, le comportement du conducteur. Réponse B, l'alcool. Réponse C, la vitesse. Réponse D, la fatigue. C'est le comportement du conducteur. Ça veut tout et rien dire, le comportement. Moi, je dis l'alcool. Je reste sur l'alcool. Réponse pour Koé. Ouais, le comportement du conducteur. Ouais, Koé. Mais si. C'est vrai que lui, il a le droit à des jokers. Il a le droit. Mais non, les deux. Non, mais ça veut rien dire pour le coup, le comportement du conducteur. Ça veut tout. Ça englobe l'alcool, ça. On continue. Ok, merci, Loris. Bon orateur. Tu fais des belles phrases, Loris. C'est ça qui est bien. 2-1. Ouais. Un blessé me demande de boire lors d'un accident. Hein, de réponse boire. A. Je lui propose de l'eau. De boire. Oui. Ah, il a envie de boire. Ouais. Ah. Il a besoin de... Okay. Okay. Je lui propose de l'eau, je refuse et je continue de le rassurer. B. Je continue de le rassurer. Je lui offre pas d'eau, je continue de le rassurer. Qui a répondu en premier? J'ai dit je continue de le rassurer. C'est Julie. Toi, lui il a dit donne-le-lo. Donne-lui le point. Teddy qui supporte Julie a dit que c'était Julie. Est-ce qu'on lui fait confiance? Ouais, je crois que c'est donne-lui le point. Voici la voici la question. On est à égalité, la dernière question. Ah, c'est la dernière. Ok, la question en or. On joue pour 1500 euros. Vas-y Julie, je compte sur toi. Vas-y Teddy. Pour effectuer une conduite supervisée, réponse A, un rendez-vous préalable est obligatoire. Réponse B, 20 heures de conduite minimum sont obligatoires en auto-école. Il y a deux questions. J'ai rien. Et l'âge minimum est de 18 ans ou 16 ans? Rendez-vous et 16 ans. 20 heures et 20 heures de conduite, moi non. Je dis, et 16 ans. Rendez-vous et 16 ans. 20 heures, rendez-vous et le... moins de 16 heures. Et 16 ans. Ouais. Je sais pas. Mais il joue, il a pas compris ça lui. Je suis très embêté. 20h et 16 ans. J'ai pas compris toi, la question. Toi, tu nous as dit un rendez-vous. Et 16 ans. Et 16 ans. Donc pour toi, tu fais juste un rendez-vous et t'as le permis. Ouais. D'accord, très bien. Ouais, moi j'arrive. Non, c'est 20 heures de conduite, les gars. Ouais. Sont obligatoires. Ouais. Et c'est 18 ans. Ah merde. Parce que, je vous explique pourquoi. La conduite supervisée est une nouvelle forme d'apprentissage à la conduite. Ah bon? Elle permet à tout apprenti de 18 ans ou plus d'effectuer une période de conduite avec un accompagnateur. Pour se faire la conduite. Mais c'est la conduite accompagnée. Non, c'est quand tu veux passer ton permis, mais t'es pas obligé de faire l'auto-école. Voilà. Ah bon? Donc là, c'est une question piège qui peut être posée par la poste. J'ai rien compris. Excusez-moi, quelle est la différence entre la conduite accompagnée et la conduite supervisée? La conduite accompagnée, c'est un permis probatoire. En fait, quand t'as de 16 ans à 18 ans, accompagné d'un tuteur. Donc là, la truc supervisé, c'est-à-dire que tu peux passer, t'entraîner à passer ton permis sans passer par l'auto-école. Tu fais tes 20 heures avec un proche. Voilà. Et je viens de le comprendre à l'instant, je savais même pas. Mais après, tu le passes avec quelqu'un quand même. Avec mais comme là, nous le code, on fait tout seul et après. Donc on a perdu là. Alors, fais une autre question. Une autre question. Le gilet de sécurité. Jaune. Les moches. Les gilets de sécurité. C'est moche. Sécurité. Sont uniquement rétro-fléchissants. Réponse A. Sont fluorescents et rétro-fléchissants. Réponse B. Réponse C. Sont uniquement fluorescents. Rétro-A. B. Moi, je mettrai les deux parce qu'il n'y a pas du. Bonne réponse, mon Julie. Il y a des bandes qui sont fluo et il y a des bandes argent. C'est ce que je viens de dire. On était sur les questions pièges qui peuvent être posées aux merde. Au code. Donc c'était dit. Allez, coucou, Julien. Ça la poste. Julien, t'es la meilleure. Je suis désolé, ma chérie, je suis désolé. Moi, j'ai hâte de voir la vidéo le jour de l'examen. Ah ouais. Quand il va le rater. Non, mais il ne ratera pas, ça. Il va pas le rater, il va l'avoir. Tu vas voir qu'il va l'avoir et je ne l'aurai pas, moi. La poste prend des énormes risques. L'examinateur, je ne sais pas s'ils se sont bien du compte à la poste de ce qui va arriver. Et apparemment, on nous remet les résultats en live dans l'émission. Oui. Je pense que le mec qui va venir, je vous déconseille de le faire venir. Aller voir une pression. En costume de maître chien. Reste avec nous sur Énergie. Bisous. On en vous offrira encore la semaine prochaine ou pas? Oui, bien sûr. Allez, la semaine prochaine, il y aura encore 1500 euros à gagner pour faire ce que vous voulez, notamment passer le permis de conduire. Voici là le bicicletas. El Shakiro, c'est Regidas. Pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Sueñe que te quiero tanto, que hace rato. desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Te sueño y que te quiero tanto. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto. De mauvaise humeur avec cette histoire de code là, je suis de mauvaise humeur. Vous m'avez énervisé, j'étais bien énervisé. Tu seras comme Shakira, tu prendras ta bicyclette. Ah putain, je voilà. Ah, vous m'avez saoulé, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est super agaçant parce qu'on sait que t'as révisé et tu sais que t'es en confiance et tu fais que dire non, mais je sais que je vais pas l'avoir. Mais pas l'avoir. Tu sais quoi, elle me fait penser à toutes les petites pestes qui étaient à l'école. De contrôle. Qui sortait par ici. J'ai pas réussi, j'ai rien révisé. Je vous assure qu'il distribue les copies. 19. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de réviser. Je révise en rentrant de l'émission. Alors tu révises. Je fais 3 examens. Ah, tu révises? Je fais 3 examens blancs. C'est énorme. Bah oui, mais je révise pas. Mais c'est pas de honte non plus de réviser. Ouais. Non, mais elle fait semblant qu'elle va le rater alors qu'on sait très bien qu'elle va l'avoir. Non, mais on sait très bien qu'elle va l'avoir gars, et toi tu vas le rater. Les gars, ça fait. Que ça va se passer ouf, comme ça. Les gars, ça fait 12 ans que je dois passer mon permis. Donc si je laisse, c'est. Non, mais là, une semaine à l'autre, j'ai vu l'excès de confiance. J'en suis sûr et certain que tu révises comme une folle. Et vous savez quoi? Je m'arrive à faire des examens et tout. Hein. Ouais, je fais les examens, je vois la réponse, je fais. Ah oui, d'accord. Je la retiens pas. Ah c'est con. Je la retiens pas là parce que t'as pas envie. Mais moi aussi y en a plein. Les limitations là avec les 90, 100, 110 quand t'es jeune permis les machins. Putain, moi, c'est la tanasse. Combien tu roules c'est quand t'es jeune permis sur l'autoroute? Que je te dise pas de bêtises. Attends. Ah la colle tu vois. 110. 110. Et t'es jeune permis combien de temps? 3 ans. Non. T'as fait conduite. Si, c'est 2 ans. 2 ans avec la conduite accompagnée. C'est 2 ans. Voilà. Mais 3 ans. Sinon c'est. Ah 3 ans je sais pas. Et tu démarres avec combien de points? 6 points. Et 2 ans après, t'as les autres 6 points. 6 points ou 2 ans ou 3 ans? C'est 2 ans normalement. Non. Si t'as chaque fait année, conduite, tu récupères 2 points, je crois. Non, t'as tes 6 points, t'as ton permis 6 points, et 2 ans après, t'as les 6 points. C'est quoi après. Voilà, chaque année 2 points. Mais c'est ça. Eh ben, tu peux pas récupérer 6. Donc c'est en 3 ans. Attention, ça se bat dans le public. Vérifiez. Qu'est-ce que vous dites, mademoiselle? Chaque année, c'est 2 points. Et à côté, elle est pas d'accord. Non, c'est 2 ans après. Si on fait la conduite accompagnée, par année, on gagne 3 points. Donc c'est sur 2 ans. Voilà. Avec la conduite accompagnée. Oui, mais ouais. Si on est encore en normal. En normal. C'est 2 points. Si on est en normal, qui c'est? En normal, c'est 2 points. Et quand t'as retiré 6 points d'un coup, comment tu fais pour récupérer ces deux parents aussi? Non, je leur fais confiance. Non, stage de récupération. Stage de récupération. Non, tu dois pouvoir les récupérer sans stage. Déjà, normalement, s'il te reste 2 points, là, faut que tu passes le stage. Ouais, ça je suis d'accord. Au bout de 3 ans, tu récupères tous tes points. Après, si tu perds les 6 points et la totalité, bah t'as plus le permis. Non, mais si il me reste. Il est obligé de faire un stage en fait. Mais non, si t'as perdu ton permis, si. Mais il a pas perdu, j'ai pas perdu, il a perdu. Il a tiré 6 points. Personne n'est d'accord. Vous êtes en train de m'angoisser là. Personne n'est d'accord. Au bout de 3 ans sans infraction, tu récupères tes 12 points. Plutôt que de parler, tu peux pas regarder sur internet. Je connais ma famille, ils sont dans l'auto-école. Ta famille, ils sont dans l'auto-école. Dans une auto-école. Mais oui. Bon alors redis-moi. T'as perdu 6 Au bout de 3 ans sans infraction, tu récupères tes 12 points. Voilà. Ce que je voulais entendre. Merci. Putain, 3 ans sans rien faire. Ouais. Donc attends, on est d'accord. C'est on ça, passe le permis. Ans. Moi j'ai le permis demain, j'ai 6 points et 3 ans après, j'aurai 12 points. Oui, mais voilà. Ça n'a rien à voir là, si je te parle des infractions de piètre. Non, mais moi toi, je te parle de jeune, jeune permis. Mais non, pas jeune permis, c'est 2 ans en si t'as fait la conduite accompagnée et 3 ans si t'as pas fait. Mais quand est-ce que t'as 12 points au bout de 3 ans. Sauf si au bout de 2 ans, tu as fait la conduite accompagnée. Et si on a cette question et qu'on répond ça et qu'on a faux à cause de vous. Bah tu mets CF Gaguette. Voilà. Julien, comment ça va Julien? Julien, ça va être terrible. Oui, bonjour à tous. J'ai dit oui. Eh, c'est lundi prochain. J'aurais jamais dû dire. Non. Ouais. Si, c'est lundi prochain. J'aurais jamais dû dire. À 10h. Oh là là. J'aurais jamais dû dire. Ah, mais dis-toi, mec, ça, la teuf que ça va être si tu l'as. Mais je l'ai pas. Je peux pas l'avoir. Toutes les motos que tu regardes tous les jours sur Internet, là. Ouais. Hein. C'est lundi prochain. Je pourrais les avoir. Julien, vas-y, mon poulet. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous. Bonjour. Je appelle. On est déprimés là, Julien. Voilà, voilà, désolé, hein, j'arrive. T'as ton permis, donc, toi c'est... Oui, tout à fait, j'ai les deux. Moto, voiture. Ah bah vas-y. Ouais, c'est ça, éclate ton bonheur. Et t'as eu ton code tout de suite ou pas? Là, ça devient chiant. Vas-y. Bah, oui, après, c'est plus simple c'est que chiant. Ça en a l'air. Voilà, tu vois, c'est chiant. Bon, allez, vas-y, ouais, t'as pas je vous appelle pour tout un autre problème. En fait, donc moi, j'ai ma copine avec qui je suis depuis à peu près 3 ans qui déteste mon nouveau parfum. Ça lui rappelle son ex. Ah, c'est un vrai problème. Ça se change, ça. C'est pas très dur à changer comme problème. En même temps, et en même temps, t'aurais kiffé qu'elle fasse « J'adore ton parfum, ça me fait penser à mon ex. » Ça me dérangerait de ouf. Quoi? Ah, je pourrais pas. Mais arrêtez avec vos ex, vous me faites ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est de rencontrer un mec qui a un parfum et que ton mec... Il te rappelle une odeur pour te rappeler quelque chose, des souvenirs, il n'y a rien de bien. Si vous saviez ce que j'en ai rien à Moi, je m'en fous. Les mêmes parfums, les mêmes restaurants, les mêmes... Vous, les filles... Ça, je m'en fous. Non, moi, ça, je m'en fous. Vous, les filles, ce que vous buguez, c'est quand le mec, il vous met dans un petit hôtel romantique, c'est on est en week-end, et que t'apprends qu'il est venu quelques années avant avec son ex dans le même hôtel. Moi, ça me dérange pas, ça, moi. Ça vous rend ouf. Non. Par contre, le parfum, oui. Ou offrir la même bague ou le même truc. Ça me ferait chier, oui. Ah ouais. Non, mais là, c'est un parfum, je veux dire. C'est... Peut-être qu'il a acheté des bagues par 10. Il a eu un lot. Et surtout, ça coûte un bras. Ton parfum, c'est quoi ton parfum? C'est bleu de Chanel. Ah ouais. Ah, et l'ex, il portait bleu de Chanel. C'est pointu quand même. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui portent bleu de Chanel. Ouais, j'avoue. Ah ben je te le conseille parce que il plaît beaucoup aux femmes. Hein. Ouais mais moi j'ai le mien qui sent bon et qui plaît beaucoup. Et du coup tu veux pas changer de parfum? Ben déjà non parce que c'est un parfum que j'aime beaucoup. On a un gros souci. Voilà il va bien sur moi et c'est rare parce que j'ai beaucoup de parfums qui daubent malheureusement. T'as essayé Scorpio? Brut. J'avoue, c'est dur de changer de parfum. N'empêche, quand t'es habitué à un parfum. Moi, je change tout le temps. Je vous avais raconté une fois que j'avais pris l'avion et tout, et le steward, il avait fait tomber du champagne sur mon jean. Ouais. Et donc, il me dit, je vais essuyer. C'était vraiment en haut de mon jean. Je vous fais pas de dessin, quoi. Vous voyez, à côté de ma. Et donc, je dis non, ça va sécher. Donc, je commence à m'endormir et je sens une main qui tâtonne, tu sais. Mais genre en mode, je vais pas le réveiller, genre tout doucement. J'ouvre les yeux et je vois mon steward à genoux, en train d'appuyer. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Il dit, non mais je vous essuie. Comme ça, avec le même ton que je viens de faire là. Je vous essuie. Je dis, non, ça va aller, laissez sécher. Je dis, vous êtes sûr? Je dis, oui, je suis sûr. Et je me rendors et à un moment donné, je sens une odeur. Et l'autre, il était pareil à genoux. En loupé. Je fais, qu'est-ce que vous faites? Il fait... C'est mon Scorpio personnel. Et j'ai pué le Scorpio sur une odeur de champagne jusqu'à la fin du voyage. Je te fais un gros bisou, mon Julien. Je t'embrasse. Moi aussi, je vous embrasse. Change de parfum. Ne fais pas chier avec ton Chanel bleu. Fais-lui plaisir. Fais-lui plaisir. Le plus important, c'est de faire plaisir à sa chérie. Mais oui. C'est ça qui est Mais si, c'est ça. Arrête de nous saouler avec ton parfum. C'est ce que je vais faire. Mais une bonne odeur de transpire. Il n'y a rien de mieux. Petit steward qui va te mettre du Scorpio. Moi, ça va être vite vu. À bientôt, mon gars. Je te fais un bisou. Voici Sia sur Énergie.

Bienvenue dans les rues de Paris. Ici y en a pour tous les goûts, toutes les envies. Certains à qui tout sourit et d'autres qui dorment par terre ici. Entre le Maroc et les Antilles, sur un fond de rythmique un free. On se fond dans la masse sur les Champs-Élysées. Les lumières la nuit sont toujours éclairées. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. C'est Paris. On monte à Montmartre avant, on se tape un grec. Y'a des gens sur les marchés, y'a ceux qui les peignent. Des pigeons bourrés par des miettes de bouteilles. Des buveurs de comptoir dans les boîtes à brancher. S'arrête à Boulogne dès que la lune s'est levée. Au-delà du périph', ça trafique normal. Faut bien survivre qui n'a pas la dalle. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris. C'est Paris. Qui était déjà venu nous voir, c'est Eva Simons, bonjour. Bonjour. Ah, mais c'est problème avec cette le coupe casque, de cheveux, quoi. C'est le casque. Yeah, there's a problem with the hair and the earphones. Eh oui. I know, but my look at my forehead is like huge. Elle a dit qu'elle a un grand front en plus. Non, non. So it fits. T'as des... Donc ça va, ça le cale en fait. C'est du boulot à lever le matin, ça, une cheveux c'est comme ça. J'ai rêvé que j'avais les mêmes cheveux. I bring merci it Pietre. With me, if I don't have it, I'm going to cry. Because it goes down. Ah oui, si elle a pas ce qu'il faut sur elle, elle se met à pleurer parce que tout redescend. Et quand ça redescend, ça doit être marrant. And what happens when it goes down, like when you come out of the shower? I look normal. Elle a l'air normale. C'est rigolo, sortie de douche. Et alors, Richard, on ne se connaissait pas. Richard Orlinski, comment ça va, Richard? Salut, tout va bien. Alors, Richard, alors là, je m'adresse au public le plus jeune qui est dans la salle. Oui. Vous connaissez peut-être pas Richard, parce que c'est... vous n'avez pas les sous, de toute façon, cherchez pas. vous n'avez pas l'argent. Richard, c'est le mec dont on parle partout, ouais. Qui fait des sculptures, qui fait les loups, c'est Richard. Oh, c'est oui, ça, le King Kong, les c'est crocodiles. Lui. Qui fait les crocodiles, les trucs de. Voilà, les sculptures qui sont super belles, machin et tout, c'est Richard. On en voit beaucoup dans les magasins, dans le, enfin, ouais. Chez les particuliers aussi, ouais, mais... C'est, je sais pas si oui les magasins, c'est pas n'importe quel magasin non ouais. Plus. Pas, c'est super beau, moi je trouve ça très beau. Ouais, c'est bah, merci ouais. Beaucoup, mais je fais aussi des trucs pour les jeunes et des trucs accessibles. Genre quoi? Et ben je fais des mini sculptures, mais voilà. Toujours de très grande qualité. Et c'est 800 euros, ça va? Non, c'est pas vrai, c'est moins cher et en plus je les vends moins cher que mon prix de revient justement pour que les jeunes puissent avoir l'accès c'est à l'art. Et c'est très important pour moi. Le partage est très important. Ah, c'est un tout petit machin, c'est tout petit. Non, pas du tout. Ça peut avoir des bonnes tailles. Ah, et ça marche. C'est des séries qui sont limitées parce que je peux pas perdre d'argent pendant toute l'année. Mais on va dire que c'est des séries spécialement justement pour les petits porte-monnaies, les petites bourses pour tout le monde. Pour ah, c'est cool. Avoir on n'est pas obligé d'être jeune pour l'avoir. On peut, ouais, on peut être vieux ouais. Et radin. Ouais, c'est vrai. Mais je pense aux jeunes, mais enfin bon voilà. Mais c'est pour tout le monde en réalité, d'accord. Voilà. Il n'y a pas d'âge. D'accord. Okay. C'est vachement bien de faire ça. Ah, c'est vachement bien. Il faut redistribuer, c'est important. Ouais, Si, ils sont beaux, hein, les loups, machin et tout, ils sont beaux. Moi, c'est les gorilles. J'avais fait une photo dans un salon, il était énorme, il faisait 2m50 le truc. Combien ouais, il faisait un peu plus, ouais. C'est monté jusqu'à 5-6 mètres, ouais. Oh. Ah ouais. We're talking about his sculptures. Yes, yeah. I hear. Merci. Elle comprend le français en fait. Elle ne comprend pas, mais elle comprend très bien. Non, I know she does. Je l'aime bien, mon invité. Tu sers à rien, Elsa, en fait. Je l'aime bien. Je l'aime bien, mon invité aujourd'hui. Sympa. Pourquoi tu dis ça? Parce que je l'aime bien. Il likes me. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien Eva. J'aime bien sa coupe de cheveux. Je l'aime bien. Richard, j'aime bien. Ah, il likes Richard. Ah, tu sens un bon feeling. J'aime bien ce qu'il fait. Ouais, c'est vrai. C'est gentil. Il nous invite pas quand il fait les soirées, mais. Non, non, bon, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Monsieur a invité tout énergé. Parce que là, les étages sont allés à sa soirée. Alors nous. Walou. Non, non, j'apporte un démenti formel. Attends, il y a une explication, oui. Attention, tu demandes une explication. Nous vous avons invité, vous étiez en émission. Ah bon? C'est vrai. Ah, oui, c'est vrai. Avant, ils y étaient tous à 22h. Nous, on a fini à 22h. On n'a jamais eu l'invite. On n'a jamais eu l'invite. C'était à 19h. On n'a jamais eu. Moi, je m'inscris en faux. Tout le monde. Vrai ou pas? Eh ben, vous faites pas tourner les invités dans cette maison. Non, c'est le sixième étage qui les a récupérés. Parce que moi, je l'ai pas eu non plus. Richard, je vais te donner l'adresse mail. Tu m'enverras les adresses directes. Avec grand plaisir. Parce que je pense. Il y avait ton mari. Je pense qu'il y a eu plein de mecs qui sont arrivés, qui s'appelaient Coé. Vous êtes Coé, oui. Oui, justement, c'est moi. J'ai vu 7 Coé justement. Je pensais que t'étais venu avec toute ta famille. Je crois que c'est tout le sixième. Reste avec nous. Dans un instant, on se fera le titre ensemble. Ne bouge pas. Reste avec nous. Il y aura Cindy qui vous posera des questions. Il y a Fabien. Il y aura Sarah. Restez juste après souffle, on va se reparler. T'es là, Cindy? Je suis là. Oui, ne bouge pas, ma belle, d'accord? Oui. Ne bouge pas, à tout de suite, on revient. Pendant ce temps-là, je vais les recoiffer. Eva? J'ai l'impression que c'est retombé un peu. He's gonna do your hair, very commercial. Who? Allez, where is it? Fixation béton. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Même pas eu le temps de lui expliquer. La peine de continuer, mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout caché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court, mea culpa. Je lui dis qu'elle m'a fatigué. C'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. Je sais pas comment lui expliquer. Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. Et c'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Oh, c'est le temps qui court. Mais à coup pas. chez Koei sur Énergie. Il est notre invité. Richard Orlaski et Eva Simons, elles sont là, les deux. Le titre s'appelle Heartbeat. On va se le faire dans un instant, d'accord? Alors, comment on est arrivé? Il y a peut-être ça dans les questions. Oui, bah tiens, voilà, c'est la question de Cindy. Non, je ne dis plus rien. La question de Cindy. Cindy? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Cindy, comment ça va? Merci, ça va bien, merci. Eva, je te présente Richard. Enchanté. Enchanté. Écoute, tout le monde est enchanté. On est tellement contents. Ah, le public est enchanté, on est tous enchantés. Vas-y, Cindy. En fait, Richard, vous êtes célèbre pour vos sculptures et j'aimerais savoir ce qui vous a poussé ou même donné envie de faire de la musique. Et j'aimerais aussi savoir comment vous avez fait votre rencontre avec Eva. C'est toutes les questions que j'allais poser il y a deux minutes. Yeah, donc c'est fini. Ça va les SMS, Pietre, on ne dérange pas. Non, je cherchais une recherche sur Eva Simons, excusez-moi. Ah bah. T'aurais pu le faire avant l'émission, pour savoir laquelle des deux c'est. He's researching il a un doute, Google. Il sait pas si c'est Eva Simons ou pas. Pietre, il est un peu en décalage, faut pas lui en vouloir. Nous, on le connaît depuis des années, mais ça peut choquer quelqu'un. Mais tu recherches quoi, dis-moi ? Rien, je cherchais le titre pour lequel elle était venue la dernière fois, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, voilà. Bloodfire. Voilà, exact. J'étais dans mon coin, je cherchais le titre. Donc, j'ai rien demandé à personne. Donc finalement, réponds pas aux questions. Puisque de toute façon, je te fais plaisir. J'adorais ce morceau. Ouais. Je cherchais le nom, j'avais oublié. Ok, t'en veux une autre? Ça te va? Yes, ok, c'est bon. Very good. Richard, comment t'es arrivé là-dedans? Alors, comment je suis arrivé à la musique? En fait, je fais de la musique depuis très longtemps. C'est une passion depuis que je suis tout petit. Et je suis parti à Los Angeles cet hiver. Et on a composé ce titre. Et voilà, et je sentais que j'étais prêt. En fait, j'en ai fait plein d'autres avant, mais qui pour moi n'étaient pas crédibles. Et comme j'ai besoin d'être crédible, et que c'est quand même prendre un risque pour moi, effectivement, parce que je suis connu dans mon activité, de se lancer dans un truc qui est un peu nouveau. Et puis en France, on n'aime pas trop les codes, on n'aime pas trop bousculer les codes, changer les cases, etc. Donc il fallait arriver avec du lourd. Et donc je me suis senti prêt, je pensais que le titre en valait la peine. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à ça. Et ensuite la rencontre avec Eva, c'était quelque chose de souhaité depuis le début en réalité. Je voulais vraiment Eva. C'était très compliqué parce que l'histoire, c'est voilà, c'était compliqué. Je voulais, non, c'était compliqué parce qu'en fait j'étais passé par la maison de disques, bon, bref, compliqué. Et puis c'était une rencontre. Un truc complètement... Je vois la difficulté que t'as envoyé des invitations dans une radio. Mais c'est pas moi. Je suis pas responsable. J'en ai marre qu'on m'attaque. Non, c'est pas vrai. Au contraire, toute Énergie était invitée. On avait même réservé spécialement un emplacement VIP pour Énergie. Mais ils y sont tous allés. Oui, ils sont tous allés. Avec nos invités. Allez, ils y sont allés. On a vu les photos. C'est vrai, sur Facebook, ça tournait de partout. Et je te mets le crocodile et le Donkey Kong. Ils étaient tous, hein. C'est vrai. Et donc, pour la rencontre, non, on s'est rencontrés, on a pu enfin se rencontrer vraiment et pouvoir parler en dehors d'un festival tous les deux. Et puis, je crois que la première rencontre, on devait rester 10 minutes, on est resté jusqu'à 5h du matin. On s'est très bien entendu, on s'est complété au niveau univers artistique. Et du coup, voilà. Puis pour moi, c'était un petit peu un rêve qui s'est réalisé parce que c'est vraiment elle que je voulais. J'étais parti sur d'autres choses entre temps, puisqu'on n'arrivait pas à la voir. Et finalement, je l'ai eu, donc je suis très content. Il dit que des trucs gentils. Voilà. Truc gentil. Que des trucs gentils. Mais ils sont mignons tous les deux. Elle recoiffait tout à l'heure en antenne et tout. Il se passe un truc ou pas? C'est une vraie. S'il se passe un truc, faut le dire dans cette émission. On n'allait pas me le dire ailleurs. If something's going on between the two of you, you have to say it. Je veux pas voir la une d'un journal dans 6 mois. On est ensemble. It's like being at the nail salon and you hear all these Japanese or Vietnamese people talking about you, but you don't know what they're saying. C'est comme quand tu fais des mains et qu'elle parle en vietnamien, mais tu sais pas ce qu'elle raconte. Là, je sais pas ce que tu racontes non plus. Je traduis ce qu'elle vient de dire. Non, d'accord, je comprends pas non plus. Bon, vous n'êtes pas ensemble. Rien. Non. You're not together, right? Non. Je sais pas. Oui, pas. Non, On s'aime beaucoup quand même. Les deux, parce que il a dit qu'il t'aimait bien. Donc, elle est obligée de lui faire un câlin maintenant. Now you have to give him a kiss. You have to give him a kiss, Eva. He's jealous. Oh, really? Yeah. Look, he's waiting. On the mouth or not on the mouth? Whatever. That's your decision. Sur la bouche ou pas sur la bouche? Ah, sur la bouche. Bouge-toi, fabricant de crocodile. Elle a été pour Smack. Elle a été pour Smack aussi. French Kiss. Non, French Kiss. Regarde, c'est avec la langue et tout. Je brosse les dents avant. Je brosse les dents avant. Richard, il est pas regardant. On peut l'embrasser comme ça. Il est pas embêtant. C'est chaud. Ah non mais Richard, il est moins chiant là-dessus. Vois, ça, tu vois, finalement c'était de moi que t'étais. Bah voilà. Voilà. J'allais, oui, ouais, c'est ça. Je te fais un gros bisou Cindy, je t'embrasse. Moi aussi je vous embrasse, merci. Salut ma belle Fabien, question, on y va. Après on va se faire le live, on aura un petit jeu avec le public. Attention, bonjour, il y aura bien un beau truc à gagner dans le public dans un instant, je vous expliquerai. Vas-y Fabien. Oui, bonjour Chloé, bonjour à tous, bonjour Richard, et puis bien sûr bonjour Eva. Bonjour à vous tous. Voilà, moi j'ai une question déjà pour Eva. C'est savoir si Richard lui a déjà offert une sculpture. Did he already give you a sculpture? Mm-hmm. Ah oui. Ah bah forcément. Ah, oui. Oui. La petite pas chère. The big cheap one or the big expensive? No, the small cheap one or the big expensive one? Tell the truth. He gave me a really nice one. Small one. Middle, ouais. Middle. Ah ouais, moyenne, de taille moyenne. C'était pas fouillé ouais. C'est laquelle? C'est laquelle? Non, non, c'est, ah, okay. C'est pas vrai parce qu'elle a eu une œuvre originale déjà. Ouais. Donc, une œuvre originale. But Richard is the most gentleman I've ever met. Ouais. He always brings me presents. Il amène toujours des Every cadeaux. Every time I meet him, he has a present for me. Ah, il a toujours un cadeau pour elle quand il se voit. Real gentleman. Et pas pour elle. C'est pas le cas pour tout le monde. Not for everybody, but yeah, he didn't bring for Ah bah non, on lui en met plein parce que tu. Non, j'ai pas d'amis, pas de cadeaux. La pas prochaine fois que tu reviens, t'auras pas une sculpture. Non, mais j'ai compris la prochaine fois ce qu'il faut faire. Est-ce que t'as remarqué, avec une sculpture t'as remarqué que pour se venger, on t'a pas donné de flotte, de coca. Ouais, ouais, ouais. So, no sculpture, no water, oui, nothing for oui, him. Oui, Fabien, no je t'écoute, mon Nothing. Bon nope. Not even for your keys. Nothing. Qu'est-ce qu'il y a, Fabien? Comme t'as pas été invité, tu veux pas qu'il t'offre une. Qu'il t'en offre une aussi? Ah non, ça ne se demande pas. Mais je suis né le 28 avril. Et Noël, c'est dans 3 mois. Mais bon, ça ne se En demande fait, pas. T'as fait appeler un pote à toi, quoi, Aurélien. Ouais, ouais, bien sûr. Merci, Fabien. On se voit à la maison après l'émission. Salut, Fabien. Avant, on se fait le titre. On le fait maintenant, le oui. jeu ou après le titre Maintenant. Maintenant. Jeu. Alors, okay. Écoutez-moi We're bien. Play a little game. Écoutez-moi Ooh. Bien, on va faire un truc. Puisqu'on disait, on déconne depuis tout à l'heure, qu'il déconne des signes, des œuvres d'art, les gorilles, les loups, les crocodiles, etc. On voit ça dans le monde entier. Ben, nous. On va en offrir un à quelqu'un du public. Alors là, Richard, c'est une merde. We're going to give out one of his sculptures to somebody in the audience. Mais c'est pas de toi, t'inquiète pas, on va pas te forcer à. Non, moi c'est avec plaisir, il y a pas de problème. Il y en a un autre dans le monde qui les vend moins cher, qui depuis 20 ans, 30 ans fait des crocodiles et des ours, c'est Haribo. Okay, it's not exactly his sculpture. Le fameux Haribo. It's a crocodile like gummy bears candies. Et donc ce qu'on va faire, écoutez-moi bien. On va distribuer, on vous a distribué des feutres dans le public. Vous avez vos feuilles? Vous avez vos feuilles, écoutez-moi bien. Oh là là. Celui qui me dessine le plus beau crocodile. They have to draw the nicest crocodile. Ou le plus beau, ou le plus beau ours Haribo. Or the nicest teddy bear. Il gagne sa taille en boîte comme ça. Mais c'est vrai, c'est pas une vanne. Hein. Ouais, no, they win a boxes like this up to their size. Oh, no voilà. Way. Yep. Alors autant dire que là, tous les mecs qui font 1m80, ils sont en train de. Attention, je vous laisse. Une minute, top, c'est parti. Allez, c'est long. Et minute. C'est Richard qui dira avec. Ah oui, avec c'est Eva. Richard. Eva, on va décider. Ouais, vous direz, je trouve que c'est le plus you beau. You guys get c'est to pick moche. Which is the nicest drawing. Ok, cool. Mettez vos prénoms sur les feuilles, comme ça on les ramasse et on. Et à oui, dessiner oui. sur les genoux, c'est les crocodiles, ça va être ton rôle. Être on a vu, on va voir des trucs qui ressemblent pas grand-chose. Vous avez encore 30 secondes. Ça sert à rien de copier sur le voisin, parce qu'il y en a une, si tu sais pas à quoi ressemble un crocodile, elle va pas t'aider. Ouais. C'est comment un. Je vous le fais, ce profil. Eh, vous avez un gorille. Ah ouais, j'allais dire un gorille aussi. Ah là, c'est un mec à la limite, ouais. Alors, non, mais ne dites rien, laissez faire, je vous laisse encore aller 30 secondes, puis après on relève les copies. C'est vrai qu'on se rend compte que on des fois, pas. Niveau dessin, on s'est arrêté à 8 ans. Ah, mais tu sais quoi, moi tu me demanderais je de dessiner. Je vois un bel ourson là. Tu me demanderais de dessiner un nounours, moi je suis nul. Un nounours. Incapable. Ah, tiens, fais voir qu'on essaye. Ah, nounours, à mon avis, c'est plus facile. Le crocodile, c'est plus dur. Allez, je excusez-nous, on fait de la radio, on fait des dessins. Allez, d'accord. En fait, c'est un atelier en fait. D'accord. C'est un workshop où ils font des drawings too, this show. Oh, I see. Hop. Hop. Maybe you can have someone in your company that maybe you find a new Richard Olinsky here. Ouais, peut-être de faire le prochain Richard dans le public. Dans le public, jamais. Bim, crocodile. Top, c'est fini, on ramasse les copies. On arrête. J'espère que personne n'a copié sur son voisin. Oh, mon ours. Oh, il est mignon. Ouais, sympa. Moi, j'ai fait un crocodile. Ah, il est bien. Aussi, hein. Ah, le mien. Non, il est moche. Il est pas mal. Ah, il est bien, tiens. Il avait 6 ans, il est pas mal. Toi, tu l'as fait, Coé. Quoi, c'est pas moi qui l'ai fait. Si, c'est toi qui l'ai fait. Si, moi qui l'ai fait. Bah oui, pas non plus un chef-d'œuvre. Il est beau. Ouais, il est carrément. Ah, on ramasse les copies. Ah, oui, comme ça. Non, de Denis Richard. Denis Richard. C'est moi qui vais montrer au fur et à mesure. Ah, d'accord. Il y a les prénoms. Attendez, je vais tweeter mon crocodile. Il est très beau, j'en suis fier. Moi aussi, je vais tweeter beau. Ah non, mais excusez-moi, il est pas mal, je trouve. Voilà, Richard, Eva, je vous montre et vous me dites. D'accord ? Ok. Alors, on a. Vous me dites, si c'est pourri, qu'est-ce qu'on dit ? Non, on peut pas dire pourri, parce que déjà, le fait de faire quelque chose, c'est déjà une intention, c'est déjà un. Mais nous, on le dira que c'est pourri. Ouais, mais nous, on est là pour ça. Non, mais c'est la vérité. Ah, il nous faut un gagnant. On y va, on fait vite. Virginie. Ah, pourri. Si c'est pas toi. Vous, yes ou no ? Non, alors sans dire. Ouais, parce qu'il y a 45 oui, copies. C'est parce qu'il va y avoir après. Ah, bah, il va falloir être dur. Ok. Donc. Ok, allez, c'est bon, non. Non, sinon, t'en prends un et à chaque fois tu compares avec l'autre, comme ça t'en gardes qu'un. Mais non, mais ça va être horrible de refaire. Attends. Combien y en a ? Là, j'ai. Il y en a 40. Il y en a 40. Là, j'ai Justine. Allez, on y va. C'est pas mal ça. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal ? Fin, t'as pas mal. Non, il y en a, c'est de la merde. Celui-là, il est pourri, celui-là. Ça va pas. Balance ça, celui-là. Amanda qui nous a fait un nounours. Ça, ça va. Non. Non. Mais si, il est cool. Ah non. Oui, mais c'est un nounours. Celui-là, pourri. Pourri. Ouais. Ah, il y en a un qui est joli. Un joli nounours. Ah, pas mal, ouais. Je le mets de côté. Là, il y a un crocodile, je pense, qui a été dessiné par un enfant de 1 an et demi. On dirait un hippopotame. Là, t'as pas besoin de nous, en fait. Qui a fait ça ? C'est un hippocrodile. C'est un iguane. Qui a fait ça ? Levez la main, c'est toi qui a fait ça ? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que c'est que cette On dirait un hippopotame. Mais c'est pas un crocodile, c'est un hippo. Ouais. On dirait un dinosaure, un peu. Merci, mademoiselle. Bon, il y en a une qui s'est pas fait chier du tout. Elle a fait une étoile. Sarah, qui a fait ça ? C'est un petit gros. Bravo, mademoiselle. Non, mais arrêtez, excusez-moi, mais il y en a qui sont pas. Non, mais. Antoine. On dirait un enfant de 4 Antoine, ans. C'est en fait, quoi, c'est un roulette. C'est un crocodile à roulette. Antoine, c'est quoi cet animal ? Croisé avec un dromadaire. Un crocodile. Bah, allez. Bon, là, on va faire. Il y a beaucoup de noms. Gwen qui nous a fait un. Ouais. Ouais. Non. Un bourdon. Non. Thierry. Non. Non. Non. Hey, vous êtes pas bon. Hein. Et Alexandre. Alors là, il nous a fait. Alexandre, il nous a fait une queue en tronçonneuse. Ouais, un double. Un double croco. Bravo Alexandre. Le truc est tout plat. Bravo Alexandre. On continue. Bon, vous... Non, toujours pas. Non. Non. Alors, finalement, tu vois, au début, c'était pas mal. Ouais, ouais. Ouais. Là, on a une espèce. Loïc nous mais a fait. Le baleine. Un dauphin. Un dauphin. Loïc, t'as confondu crocodile avec dauphin. Nous avons André qui nous a fait une sorte de crocodile mort. Ouais. Comme un ours. Il a fait un tapis. Bon, alors, Ingrid, vous me faites flipper en dessin dans ce temps-là. C'est abusé. Un tétard. Là, on a un ourson, elle a pas osé le signer, c'est pas plus mal. Non, vaut mieux pas. Crocodile pourri, on continue. Ouais, continue. Marie nous a fait un truc qui ne ressemble à rien. D'accord. Non plus. Ouais, mais on dirait Val. Où est Val ? Val. Ah, génial. Ah. Val, ça va ? Très bien. J'ai une on a un bon truc. Ah, il a dessiné les deux. Bon, là, on est au top. Un niveau, j'ai un an, j'apprends à dessiner, c'est sublime. Merci, quoi, merci. Là, niveau CE. Pareil, le crocodile mort. Là, non. Ouais. Et on a un petit ourson. Il y a pas mal d'oursons. Bon, les amis, bon, ça va se jouer pour les plus grands. Il y a photo entre deux là, entre l'ours et le crocodile. Nous, on dit plus rien. Entre ça et ça ? Ouais. Les amis, excusez-moi. Ah, mais c'est le mieux dans le pire qu'on a eu en fait. Hein. Mais... Attends, c'est Richard qui décide. Ouais, c'est lui l'artiste. C'est vrai que le plus mignon, c'est l'ours quoi. Là. C'est le plus. Eva, what were you Eva? I like the third teddy bear. Et le troisième nounou. Ouais, mais il est déjà poubelle. It was a trash can, sorry. You threw it out already. Comment elle s'appelle ? Où est Alice ? Alice ? Ah, en plus, tu sais quoi ? Ça va faire plaisir à Harry. C'est plus vu la taille que tu fais, tu vas faire plus cher. On a deux boîtes, ça suffit. Combien tu mesures ? 1m50. Génial. Chez Haribo, il est dans son bureau, il fait des roulades. Tu mesures donc 150 cm. Voilà. Oh, elle est mignonne. Voilà. Donc le prénom, redis-moi Alice. Alice. Alice Colas. Tu remportes, bah, tu verras bien. 1m50 de boîte. Signé Sébastien Foyer. Ça fait 20 boîtes à peu près. Je signe le business. C'est 8 cm une boîte. Voilà, t'as intérêt à partager. Bravo, mademoiselle. Bravo. Ouais, c'est joli, ouais, on se fait le titre en live ou pas ? Allez. You ready to do the live show, ready, du coup ? Ready, ready, ready. Yes, of course. Et bon, Eva, si on ne se revoit pas après, je te fais un bisou. Hein. Eva, he's saying goodbye in case he doesn't see you after. Why ? It's always a pleasure. Mais elle va revenir, elle te dit. Oh yes, but it's always a pleasure. It was a pleasure. Non, it's a pleasure. Richard, on prend les platines ? Moi, c'est pas un plaisir. Moi. Oh, c'est un plaisir aussi. Vous êtes embrassés, les gars, quand même. Surtout après ce qui s'est passé, c'est un plaisir. Attention, j'embrasse pas tous mes invités comme ça. C'est vrai, en plus. Dernier à qui j'ai fait ça, c'était Booba. Je te signale. Pas tout le monde qui a droit à un bisou sur un petit smack. C'est Kinvé pour le coup. Hein. C'est Kinvé. Ouais, c'est vrai, je viens de tromper Kinvé, je ne sais même pas si je dois lui avouer. Tellement je ne me sens pas bien. Eva, are you ready? I am ready. Alors faites du bruit pour Eva Simon et Richard. Let's go! Yeah!